président Philippe Auger de l'Université Montpellier 1 m'a demandé, parce qu'il était pris par des obligations dans le Point Capital, donc à Paris, de présenter ce colloque, et je le fais avec un grand plaisir, et plus qu'un plaisir, une grande fierté. Une grande fierté d'accueillir donc à Montpellier, grâce aux informations que m'a donné Monsieur Benjamin Mergui, donc j'ai mieux compris effectivement la manifestation que vous organisiez, d'accueillir à Montpellier donc le premier colloque organisé par une association réunissant donc psychologues, cliniciens exerçant en SCUMPPS, SUMS. Donc il y a des acronymes qui sont assez amusants et longs, mais il y en a d'autres, c'est aussi d'acronymes encore plus longs si j'ai bien compris, c'est celui de l'association. Psychologue aussi qui exerce, je viens de m'en ouvrir avec un de mes collègues, donc en centre de santé, ce qui est une version encore plus importante donc des services universitaires, donc de médecine, de prévention et aussi donc concernant la psychologie de la santé. Alors, si j'ai bien compris, et je n'ai que 5 minutes pour m'exprimer, elles sont déjà largement entamées, vous allez vous occuper d'une question fondamentale qui peut être, à mon avis, même étendue à d'autres domaines que celui des étudiants, le mal-être. Le mal-être, donc, qui va vous occuper dans cet après-midi plénière, donc pendant une demi-journée, et qui ensuite va donner lieu à des ateliers alléchants. Moi, je suis historien du droit. A priori, ça n'a rien à voir, vous voyez, avec, non pas la question du mal-être, mais la question donc de vos institutions respectives. Mais en réalité, je vous parle alors qu'aujourd'hui se tiennent les séances de la Société internationale d'histoire du droit à Montpellier. Donc j'aurais préféré passer mon temps avec vous qu'avec mes chers collègues antiquaires, enfin du moins ceux qui sont antiquaires, donc spécialistes de l'histoire du droit. Parce que vraiment c'est alléchant quand on voit votre programme et être étudiant à l'université aujourd'hui, une présidente de Paris 3, me semble-t-il, Madame Le Mardelet qui va en parler. Les thèmes, hein, le mal-être chez les étudiants en général, les modalités de prévention, et puis ensuite la journée de demain avec des choses qui sont passionnantes. J'ai la prétention, enfin en tout cas je consacre l'essentiel de mes recherches à l'histoire du droit colonial. Je sais bien que je vais dire des bêtises, parce que, évidemment, la séance du samedi 28 mai est consacrée à l'étudiant face à l'épreuve de l'exil, et qu'il n'y a pas qu'un seul exil qui vient de très loin. Je l'imagine bien volontiers, je n'en ai pas le savoir, mais c'est extrêmement intéressant, les frontières mentales, et donc les problèmes culturels dans le passé et donc de manière géographique. Précarité du lien social, les chiffres viennent de tomber. On doit se rendre compte, et ce colloque, je crois, est là pour nous apprendre quelque chose, que c'est fondamental, et que nous vivons une évolution qui, hélas, en tout cas, ne va pas dans le bon sens. L'université, dans ce mécanisme de pouvoir hein, de Paris, au fond, dans cette fausse autonomie de la LRU, fait un certain nombre de choses. Mais en tout cas, il y a une réalité. Depuis les années 70, on a fait le pari de l'université de masse. Donc, il faut assumer. Et il faut assumer donc les difficultés des étudiants et le mal-être. Et je crois que le président d'université, mon président, en a bien conscience et il fait ce qu'il peut. J'espère donc que nous faisons de bonnes choses. Donc, avec Monsieur Claude Terral, le directeur du SUMS, j'allais dire entre guillemets local. Mais enfin, on s'en fiche un peu parce que tout ça sont des réalités universelles, des réalités humaines. Voilà, il y aurait beaucoup à dire ensuite sur les autres thèmes que vous allez aborder, le suicide, l'aide psychologique au rapport aux études, j'allais dire, moi je suis extrêmement alléché, la disparition des oraux, par exemple, aux examens à cause de la réforme Bérou, triste réforme, font que l'oralité, le moindre contact avec les enseignants, on en a beaucoup parlé au déjeuner, donc pose des difficultés. Et c'est même à ce niveau-là, on sent transparaître, je ne sais pas, un mal-être, mais en tout cas une incapacité finalement à vouloir s'exprimer et une incompréhension de la part du professeur que je suis, qui croit dire, eh ben, écoutez, je vais me forcer à entendre à l'oral 400 étudiants, et non, les étudiants, eux, pour eux, c'est pas une bonne chose, cet oral. Donc, moi, je vais faire une semaine d'oral, et finalement, eux, ils préfèrent passer un écrit, parce qu'ils restent de leur côté. En tout cas, ce sont, vous voyez, tant de manière personnelle que de manière collective, c'est un colloque dont je me réjouis, et l'Université Montpellier avec elle, qu'il soit organisé. Je voudrais remercier le comité d'organisation. J'ai parlé de monsieur, donc, Benjamin Mergui, mais Laure Boisjoli, Marilène Calégari, Christine Pavesi, Guillaume Remise, Jean Riffard, Luc Vétois, donc effectivement, ont permis ces journées qui, à mes yeux, sont essentielles, si l'on veut bien, de manière institutionnelle, mieux considérer les SUMS, mieux considérer l'importance de ces institutions, de ces pratiques au sein de l'université, que moi, je juge pour ma part essentielles. En tout cas, je vous remercie et je passe la parole donc à Monsieur Riffard. Merci d'être là pour l'Université Montpellier. Voilà. Bon, je vous souhaite la bienvenue. Lorsque nous nous réunissions à Paris, que ce soit dans le cadre de la coordination ou plus tard dans celui de l'association, nous échangeons beaucoup sur nos pratiques et aussi sur nos difficultés à obtenir un statut satisfaisant et reconnu par les pouvoirs publics. Cette reconnaissance court toujours, mais j'espère en voie de résolution. Il faut du temps et de la patience, ce qui est quand même une des qualités des psychologues. Par contre, faire partager nos différentes expériences en dehors du cercle de nos réunions est apparu comme une nécessité. Quoi d'autre qu'une journée d'études ou un colloque? La notion de mal-être a très vite fait consensus, même si d'autres thèmes ont été évoqués, bon, peut-être pour plus tard, ou d'autres colloques. Le mal-être, parce que finalement, c'est notre lot quotidien, chacun dans nos bureaux. Y a-t-il une singularité, une particularité du mal-être chez les étudiants? Le colloque tentera d'apporter réponses et questionnements. Par contre, il se présente d'une manière singulière dans nos consultations. Simple malaise, mal-être et ou dépression, décompensation psychotique, pour ne parler que des extrêmes. L'université est une traversée. L'étudiant passant d'un moment structurant, tout au moins cadrant, maison, parents, copains, lycée, vers un inconnu, attendu, espéré, redouté. Moment et espace distendu, libre, ouvert, angoissant. L'étudiant peut se laisser aller, il peut nouer d'autres relations, peut-être parler à son nom propre. Il peut se permettre autre chose que dans le temps lycéen. Il peut aussi s'autoriser à une démarche thérapeutique. Quelles réponses pouvons-nous apporter et comment les apporter? Voilà, les acteurs sont en place. L'université, l'étudiant, et nous les psys, et plus globalement le service de médecine préventive. Chacun a son rôle et l'interprète selon son propre passé, son propre présent. L'université, nous le verrons, puisque des enseignants nous ont rejoints dans ce colloque pour nous faire partager leur expérience et questionnements. Des étudiants aussi sont là, physiquement, mais surtout dans nos différents discours, présents avec leurs désirs, leurs certitudes et leurs doutes. Les psys, bien sûr, puisque nous sommes tout ouïes, ouvertes, je l'espère. Une matinée d'atelier à s'en servir comme un atelier d'artisan, à remettre toujours et encore sur le métier son ouvrage. Je voudrais tout d'abord me tourner vers vous, Monsieur Éric Demarie, qui représentait Monsieur le Président de l'Université de Montpellier, pour vous dire notre gratitude de nous accueillir aujourd'hui. Aux responsables étudiants de la Maison des étudiants, qui nous accueillent ici, un grand merci. Nous avons aussi plusieurs sponsors, l'INPES, l'ARS Languedoc-Roussillon, la MGEN, l'Université Paris-Diderot, l'Université Montpellier, qui nous soutiennent financièrement, donc qu'ils en soient aussi remerciés. Les membres du comité scientifique qui nous ont aidés par leurs critiques, leurs idées, leurs suggestions, reçoivent nos remerciements. Le comité d'organisation, en fait, mes collègues, eh bien, un grand merci. Sans eux, à Montpellier ou à Paris, il n'y aurait pas eu ce colloque. Comité à élargir, et je souligne, au personnel de ces deux services de médecine préventive, aux directeurs qui nous ont soutenus et aidés vraiment tout au long de cette préparation qui a été longue et difficile. Mais bon, le résultat, il est plutôt sympathique. Je souhaite à tous un très bon colloque. Voilà, je donne maintenant la parole au professeur émérite Benjamin Jacobi. Merci. Bien, je remercie les organisateurs de m'avoir confié la tâche de présider cette table ronde. Alors, vous allez entendre successivement Madame Marie-Christine Lemardelet, qui est présidente d'université et qui va, sur son temps, qui est précieux et rare, parler de la question générale du mal-être chez les étudiants, et plus précisément, le titre de son intervention, c'est « Être étudiant à l'université aujourd'hui, l'emploi du temps ». Ensuite, vous entendrez Michaël Vautier, qui est psychologue clinicien à La Réunion et qui travaille dans un service du SIUMPS, je sais plus ce qu'il y a dans cet acronyme, service interuniversitaire de médecine préventive peut-être. Il a deux mérites, Michaël Vautier, d'une part de venir de La Réunion et d'autre part d'avoir fait une thèse sous ma direction sur la question qu'il va aborder aujourd'hui de la séparation en milieu étudiant. Enfin, vous entendrez Luc Vétois, qui est psychologue à Paris 6, un autre Parisien, qui est psychanalyste également, et qui va nous parler, je regarde mes papiers, il devait parler demain, il parle aujourd'hui. Vous verrez bien de quoi il parle, vous entendrez en tout cas de quoi il parle, c'est certainement très intéressant. Alors, juste deux mots d'introduction. Je crois que le titre même du colloque appelle une question. Il est question de mal-être. Et à l'université, il est surtout question de savoir. Comment articuler la question du savoir à la question du mal-être? Comment articuler la question de la confrontation au savoir et celle du mal-être en tant qu'étudiant? Je voudrais tout de suite éliminer une hypothèse, celle du savoir-être. Je donne la parole à Madame Lemardelet, présidente de l'Université Paris 3. Merci. Je voudrais... Ça marche ? Ça marche ? Ça marche ? Merci. Je voulais d'abord remercier Luc Vétois qui m'a invité à ce congrès. Et c'est vrai qu'un président d'université n'a pas beaucoup de temps, mais je pensais que j'avais assez de temps pour venir ici, parce que ça m'intéresse. Sorbonne Nouvelle Paris 3, c'est une université de lettres, langues, arts et sciences humaines, de taille moyenne, 18 000 étudiants. Et comme nous sommes petits et menacés, nous nous rapprochons des grands scientifiques, comme par exemple Paris Diderot, Paris Descartes, dans un presse qui s'appelle Sorbonne Paris Cité. Le mal-être étudiant, j'en parlerai de mon point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue d'enseignant-chercheur. Je suis littéraire, spécialiste de littérature américaine contemporaine. Je n'enseigne pas en ce moment, mais je dirige toujours des thèses et je n'ai pas oublié que j'ai enseigné pendant 34 ans, donc ça ne s'oublie pas. Le mal-être étudiant, je dirais que on ne peut pas le résoudre par des remèdes miracles. Souvent, les remèdes sont pires que le mal, mais j'ai eu l'occasion de comprendre certaines pistes de réflexion, et c'est ça que je voudrais vous livrer aujourd'hui de manière assez succincte, de manière à ce qu'on puisse passer à des échanges après, et je répondrai à des questions. J'ai pensé à l'emploi du temps. J'ai choisi comme titre l'emploi du temps. C'est évidemment le titre d'un roman de Michel Butor de 1956, où le héros passe un an dans une ville anglaise sans en sortir. Je pense aussi à la mythologie du labyrinthe, un enchevêtrement inextricable de salles et de couloirs pour enfermer un monstre, un tribut de 7 jeunes gens qu'on doit offrir au monstre. Tout ça, je ne développe pas, mais c'est une image qui m'a un peu traversé l'esprit et que je filerai un peu au long de ma présentation. D'abord, l'entrée à l'université. Accéder à l'université pour un grand nombre de nos étudiants, ça représente un saut dans un monde totalement inconnu, un changement d'échelle considérable. Et c'est pourquoi l'image du dédale s'impose, complication des parcours, des filières, multiplicité des lieux, problème de communication. Je reviendrai sur cette question de la communication, parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne sait pas trop ce qu'on en fait. Je ne vais évidemment pas donner une liste des difficultés rencontrées par tous les étudiants qui entrent dans cet univers, qui est à la fois ouvert et fermé. Ouvert sur la connaissance, la création, les savoirs, tous les savoirs. La création aussi, puisque par exemple, à la Sorbonne Nouvelle, nous enseignons les arts du spectacle, le théâtre et il y a des études cinématographiques, donc il n'y a pas que du savoir lourd, il y a aussi de la pensée plus poétique. Je continue à trouver, malgré toutes mes années d'expérience, que l'université reste un lieu magnifique, merveilleux, à protéger et surtout à développer, où la pensée circule. C'est malgré tout un lieu fermé, l'université, pour ceux qui arrivent, parce que il y a trop de choses à apprendre en même temps. Et c'est là que nous, qui dirigeons l'université, qui l'organisons, qui essayons de l'organiser en tout cas, nous devons faire preuve d'imagination pour trouver des solutions. Et les solutions ne sont pas simples. Donc je n'ai pas de proposition clé en main à apporter aujourd'hui, mais quelques idées de réflexion. Il faut évidemment améliorer les procédures d'inscription, nous y travaillons, ça ne se discute pas. La vertu pédagogique des files d'attente le jour des inscriptions ne m'a jamais frappée. Simplifier, ça veut dire aussi créer des groupes classes, des groupes qui ont grosso modo le même emploi du temps pour que les étudiants arrivent à se connaître. Car ce qui est frappant, j'ai l'expérience d'enseigner, mais j'ai aussi interviewé quelques étudiants en disant voilà, je vais parler du mal-être, et on appuie sur le bouton et ça sort. Pas besoin de poser des questions, ils ont beaucoup de choses à dire là-dessus. Et la première chose qui sort, c'est le sentiment d'isolement et d'anonymat. Les étudiants me disent on ne peut pas tisser de lien avec les autres, on ne les croise pas assez souvent. On ne les connaît pas, on se rencontre rarement. Donc, cette solution de créer des groupes classes, c'est simple comme bonjour, mais il faut encore arriver à le faire, parce que c'est quand même compliqué à mettre en place, mais on va y arriver. Premier choc culturel, l'emploi du temps d'un étudiant lui laisse beaucoup de temps libre. Alors, plusieurs obstacles à ce temps. C'est très critiqué par les familles qui traduisent « à l'université, on n'a rien à faire, on ne fait rien ». Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il ne fait rien. Paradoxalement, l'emploi du temps peut être aussi mal organisé. On peut avoir cours le matin à 8h et terminer à 20h le même jour. De toute façon, c'est bizarre, c'est étrange, l'étudiant ne s'y retrouve pas tellement. Cette organisation du temps de travail, toute simple, de l'emploi du temps, est souvent une source de problèmes, d'anxiété pour les jeunes étudiants. J'ai vu avec intérêt, j'avais choisi ce thème comme ça intuitivement, mais j'ai vu avec intérêt que c'était un indicateur pour certaines enquêtes que j'ai lues. Est-ce qu'ils sont satisfaits de leur emploi du temps ? C'est un indicateur, on leur pose la question comme ça. Les étudiants, les jeunes étudiants, doivent s'approprier ce temps dit libre et acquérir une certaine autonomie. Et en fait, ça demande tout un travail de notre part, de les aider à apprivoiser ce temps libre. Alors j'ai appris avec intérêt qu'ici, les étudiants vont à la plage entre les cours. À Paris, il n'y a pas de plage. Enfin si, d'ailleurs, il y a une plage. Si, il y a une plage maintenant. Mais c'est l'été. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, les aider à acquérir cette autonomie ? Ça veut pas dire les prendre en charge comme au lycée. Je crois que ce serait vraiment une erreur de croire qu'il faut prolonger le lycée. Je pense qu'il faut qu'il y ait des paliers, qu'il y ait même des ruptures, si on veut les faire grandir, entre guillemets. Mais il y a toutes sortes de méthodes pour les initier, par exemple, à de nouveaux moyens de s'approprier le savoir. Par exemple, et ça c'est une répercussion aussi sur les enseignants, les enseignants-chercheurs, il est notoirement connu maintenant que le savoir ne se dispense plus seulement ex cathedra, en cours magistral, le professeur n'est plus le seul détenteur du savoir, maintenant il rivalise avec Wikipédia et le spécialiste de littérature américaine du Wisconsin qui a fait une bibliographie tout seul dans son coin et que l'étudiant apporte au professeur, tout ça, ça demande à être travaillé. Et aussi, ça remet en question un certain pouvoir du professeur et ça peut créer un sentiment de malaise chez certains de nos collègues. La vie de l'étudiant a changé depuis notre vie d'étudiant à nous, déjà. Il y a beaucoup d'étudiants, on l'a dit, ça c'est connu, 3/4 des étudiants travaillent. Travaillent, ont un emploi, soit un petit boulot, soit un vrai emploi. Et je pense qu'il nous faut, nous, organisateurs des choses à l'université, tenir compte de ce statut de l'étudiant qui travaille. Il ne suffit pas de dire « Ah là là, quelle horreur, ils travaillent, donc ils ratent leurs études ». Je crois qu'il faut le prendre comme une donnée objective brute. C'est l'étudiant qui travaille, c'est un étudiant qui n'a pas tout son temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas le loisir de passer 5 ans ou 6 ans à l'université. Et en plus, pendant la semaine, il n'a pas tout son temps. Donc, une façon de remédier à cela, c'est déjà de le reconnaître, que c'est un statut. De donner accès à des cours en ligne par Internet, il faut le faire. Ça, il y en a déjà, ça existe déjà, c'est pas une nouveauté, mais enfin, il faudrait le généraliser. Augmenter les bourses, bon, ça, c'est de la cuisine sociale, mais ça existe aussi. Le problème aussi, c'est l'autonomie financière vis-à-vis des parents. Les étudiants, moi, il y a des analyses assez fines de l'OVE, par exemple, l'Observatoire de la vie étudiante, qui montrent qu'ils sont un peu indépendants, mais pas complètement. Il y a un statut. Bon, donc ça donne une qualité de maturité qui est ambiguë, puisque l'étudiant est un jeune adulte, mais il est quand même complètement dépendant de ses parents la plupart du temps, ou à moitié dépendant de ses parents. Donc ça crée un statut de semi-enfant, semi-adulte. Et je pense que ça, c'est un problème. Ça peut être une source de mal-être. Alors, évidemment, ce problème, pourquoi de manque d'argent, de précarité des étudiants, n'est pas encore complètement reconnu. Parce qu'on dit toujours en France... Ça coûte rien d'étudier, c'est gratuit. C'est faire comme si l'étudiant n'avait pas de corps. Il a besoin de se loger, de se nourrir, de se soigner. Et alors là, objectivement, il y a des études qui le montrent. À Paris, c'est plus difficile qu'ailleurs. Et le résultat, c'est que beaucoup résident chez leurs parents. en France en général, mais peut-être à Paris encore plus. Et ils ont parfois 2 heures de transport matin et soir, donc les cours à 8 heures, ça va pas, les cours du soir, le soir non plus, et quand ils n'ont pas cours, ils viennent pas. Donc, nécessité de développer le logement étudiant. Bon, ça s'améliore, hein, la ville de Paris a fait un effort considérable de ce côté-là, l'État aussi avec les CROUS, mais je pense que là, il y a vraiment un effort de la nation à faire. D'où la nécessité aussi de créer des lieux de vie au sein de l'université. Cette salle et ce lieu, cette maison des étudiants en est un vivant exemple. Et à Paris, je citerai l'exemple de la MIE, la MI, Maison des Initiatives Étudiantes, qui est encadrée par du personnel de la ville de Paris et qui crée des lieux qui permettent l'éclosion de projets inattendus. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'ils n'ont pas d'endroit pour s'asseoir et manger leur sandwich, c'est qu'il faut des lieux aussi où ils apprennent autre chose, autrement, et ensemble, avec leur père, P-I-R-S. Ce sont des lieux qui proposent des outils, qu'ils soient pédagogiques ou pratiques, pour réaliser des initiatives étudiantes. Donc les associations sont encouragées, on peut par exemple les domicilier, ils peuvent bénéficier de boîtes aux lettres, réserver des salles de réunion, avoir des bureaux, etc. Mais j'ai l'impression de prêcher les convertis, puisqu'ici, ça existe déjà. À Paris, je ne crois pas que ça existe dans les universités. Il y a peut-être une salle ou deux, mais il n'y a pas de maison des étudiants. Donc la MI, maison des initiatives étudiantes, il y a 2 salles maintenant. Il y en a une dans les locaux de Paris Diderot, justement, qui vient d'être inaugurée. Je crois que c'est vraiment très intéressant. Et je sais que les étudiants de Paris 3, ils vont beaucoup. Puisque chez nous, c'est trop petit, donc ils se retrouvent là. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'ils acquièrent d'autres compétences. On dit toujours, parce que la troisième mission de l'université, après la formation à la recherche, c'est l'insertion professionnelle des étudiants. Comment est-ce qu'ils peuvent acquérir d'autres choses que des purs savoirs? Parfois, c'est en créant leur propre association ou en créant des expositions, des choses artistiques entre eux. Mais il faut les soutenir, il faut les aider, ça ne se fait pas comme ça dans un couloir. Bon, la santé, on va sûrement en parler beaucoup. Il y a une morosité des étudiants en général. Beaucoup, alors c'est lié aussi aux problèmes financiers, beaucoup reconnaissent ne pas avoir vu un médecin depuis très longtemps. Là, je ne donne pas de chiffres parce que je ne suis pas très bonne dans les statistiques, mais je pense que vous savez ça mieux que moi. Évidemment, la santé mentale, je pense qu'on en parlera beaucoup. Je dirais là qu'il faut être prudent, c'est-à-dire que moi j'insiste pour dire que le SUMS doit jouer son rôle et l'université doit avoir un rôle d'incitation et de prévention, mais dans les limites, dans certaines limites d'intervention. C'est-à-dire, je ne veux pas, par exemple, que les professeurs commencent à signaler des étudiants qui ne vont pas bien à l'administration. Je ne pense pas qu'il faille donner ce rôle parce que ça peut être très très mal interprété. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient la disponibilité pour être éventuellement porteurs d'une souffrance d'étudiants et leur donner l'endroit où ils peuvent aller pour parler, les étudiants. Et je ne pense pas qu'il faille donner comme mission aux enseignants-chercheurs qui eux-mêmes ont des problèmes d'être les gardiens d'une normalité qui deviendrait vite assez effrayante. D'où la nécessité de la présence des SUMS dans ou juste à côté des universités, de lieux où l'étudiant peut se rendre en toute confidentialité. Donc j'ai abordé déjà plus ou moins le rôle de l'institution. Je dirais pour résumer que l'université doit tout faire pour rendre la vie de l'étudiant plus confortable. Ça veut dire la vie de l'étudiant, ça ne veut pas dire que ses résultats, bien sûr il faut qu'ils réussissent, hein, c'est le premier motif de satisfaction d'une université, mais il faut aussi qu'ils soient heureux d'être là où ils sont et qu'ils puissent s'épanouir, grandir, rencontrer des gens, se faire des amis. Et je parlais tout à l'heure d'accession aux savoirs différents. On travaille aussi à des projets de, ça existe déjà, hein, mais en ce moment c'est des endroits qu'on visite. Par exemple, je suis allée à Lausanne visiter le Rolex Learning Center, parce qu'il n'y a pas de mot français, c'est assez intéressant d'ailleurs qu'il n'y ait pas de mot français. Moi, j'appelle ça la bibliothèque de l'an 3000. Ce sont des lieux où on peut à la fois s'asseoir, se reposer, parce qu'un étudiant qui passe la journée à l'université parce qu'il habite trop loin, il n'a jamais d'endroit pour se détendre, souffler un peu. Donc des endroits où on peut accéder au savoir par la bibliothèque, par le numérique, l'internet, éventuellement aller sur Facebook, parler à ses copains pendant une pause, mais aussi un endroit qui soit un lieu de vie, un lieu de rassemblement, une sorte de centre de cœur vibrant de l'université. Simplifier le paysage, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire en rabattre sur nos ambitions, c'est-à-dire que améliorer la lisibilité des formations, ça ne veut pas dire supprimer leur richesse et leur diversité. La recherche irrigue l'enseignement supérieur et je pense qu'il faut que ça continue comme ça. Il ne faut pas couper le premier cycle, par exemple, dire on n'y arrive pas, ils ne sont pas bons, donc on va faire des super lycées entre L1 et L3. Ça, je pense que ce serait totalement une erreur. Mais il faut s'intéresser à ces étudiants. Et d'ailleurs, le dernier congrès de la CPU, Conférence des présidents de l'université, qui était consacré à la licence, a montré que les résultats n'étaient pas si mauvais que cela en licence. Donc là, il faudra aller sur le site de la CPU voir les chiffres. Mais on revient maintenant à des appréciations plus raisonnables de la réussite en licence. L'apprentissage de l'autonomie, le développement de l'esprit critique, ce n'est pas sans danger pour le corps professoral non plus. Parce que quand on a des étudiants intelligents qui remettent en question les savoirs, ça peut être un peu pénible. C'est moins confortable que des étudiants du 19e siècle qui étaient tous habillés en costume, cravate et qui obéissaient sagement à leur professeur. Donc certains, ça veut dire que je dis ça pas pour... pour plaisanter, mais pour dire que les enseignants-chercheurs sont mis aussi sur la sellette, c'est-à-dire qu'ils sont un peu en déséquilibre en ce moment, ils ne savent plus très bien quel est leur rôle, et je pense qu'il y a la place pour tout, c'est-à-dire des cours magistraux, des TD, des petits groupes, il faut innover aussi du côté de la pédagogie. Donc, tout ça, c'est mon rôle, c'est-à-dire d'être le garant, enfin, c'est pas moi toute seule, hein, c'est le conseil d'administration, les vice-présidents, tous ceux qui avons en charge l'université, le budget, etc. C'est d'être le garant du fait que l'université reste un lieu vivant, un lieu de savoir, un lieu de transmission, mais aussi un garant de l'équité et de la justice, parce que les étudiants, je trouve, alors ça c'est peut-être purement dans mon université, mais je trouve qu'ils ont un manque de confiance, souvent envers, je dirais, les adultes. Alors c'est bizarre, parce que je viens de dire que c'était de jeunes adultes, ils sont adultes eux-mêmes, mais en tout cas en première année, dans les premières années, souvent ils révèlent une espèce de défiance extraordinaire vis-à-vis des professeurs, et donc toutes les règles, toutes les chartes qu'on peut mettre en œuvre sont bonnes parce qu'elles protègent l'étudiant, elles montrent à l'étudiant qu'on le protège de l'arbitraire. L'arbitraire de la tête du client, de la note à la tête du client, l'arbitraire du prof qui était de mauvais poil ce jour-là, etc. Alors ça peut paraître lourd, mais je pense que ces chartes et toutes ces méthodes qui régulent sont bien pour tout le monde, pour l'enseignant mais aussi pour l'étudiant. Alors je dirais un mot sur la sortie de l'université, parce qu'on y entre, mais il faut aussi en sortir. Donc j'ai dit que nous avions comme mission l'insertion professionnelle. Alors pour nous et dans le presse en général, ça ne signifie pas nécessairement qu'on doive modifier nos enseignements, mais on doit tenir compte de cette donnée, c'est-à-dire que l'étudiant n'étudie pas pour étudier, c'est pas une fin en soi. Bon, les bureaux d'aide à l'insertion professionnelle existent, on doit les aider à réfléchir à leur avenir professionnel par tous les moyens possibles. Alors là, on peut discuter, il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Je parlerai juste de la difficulté de quitter ce lieu qu'est l'université. Et en réfléchissant à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, j'ai pensé au mythe du labyrinthe vu par Roland Barthes. Il se trouve que j'ai suivi son cours sur le labyrinthe et il avait une expression très intéressante, le labyrinthe comme surclôture sécurisante. Le labyrinthe comme surclôture sécurisante. Parce que ça devient pratiquement un mode de vie après de se débrouiller dans l'université. C'est tellement compliqué que finalement on devient spécialiste de la vie à l'université et on peut devenir, on peut y rester, quoi. On peut ne jamais vouloir en sortir. Notre rôle, c'est de permettre aux étudiants de sortir. Hein, un peu comme, je dis toujours, on élève nos enfants, on les pousse hors du nid. Mais je pense que les étudiants, il faut aussi qu'on les pousse dehors, pas qu'on essaie de les garder. Alors là, on a un travail à faire, nous, universitaires, c'est-à-dire de donner une image plus valorisante de l'université. Ça, c'est un travail de longue haleine. La lutte contre les clichés, les idées reçues, est très difficile. Moi, ça me fait parfois souffrir, donc c'est pour ça que ça me fait du bien de venir ici, parce que parfois, j'entends souvent que à quoi ça sert d'étudier la littérature américaine ? À quoi ça sert de faire du latin ? Bon, vous avez compris, les humanités, à mon avis, ça sert beaucoup, mais c'est pas à vous que je vais le dire. Il faut lutter contre les clichés, lutter contre le court terme, les fausses évidences, mais quand même s'intéresser au problème des débouchés. En sciences humaines, il faut pas qu'on fasse l'impasse sur cette réflexion. Et donc, depuis que je suis présidente, je vais dans des salons. Au début, je me sentais totalement étrangère, où je rencontre des DRH. Alors, je suis en général la seule. Il y a des tas d'écoles de commerce, tout ça, qui savent très bien vendre leur Kaamelott. Moi, c'est plus compliqué. Je convainc moins, mais j'y vais quand même. Puis après, les gens me reconnaissent. Ils disent, ah oui, on vous a vu à tel salon sur l'insertion professionnelle des étudiants en lettres et sciences humaines. Je pense qu'il y a un vrai travail là de communication pour le coup. Et je pense que il y a des idées assez bêtes qui continuent à prévaloir. Par exemple, que dire que l'anglais c'est facile. Je suis bien placée pour savoir que c'est une langue difficile à apprendre. Et je parle de l'anglais aussi pour dire que le séjour à l'étranger, tous les séjours Erasmus et les études à l'étranger sont quelque chose que nous valorisons beaucoup. Et je pense que ça peut rentrer dans une partie des dispositifs pour améliorer la vie de l'étudiant, pour améliorer son bien-être. C'est-à-dire que quelquefois, faire le petit pas de côté, aller à l'étranger, voir comment c'est ailleurs, mais dans un séjour plus long, hein, pas juste 3 semaines, mais 6 mois, un semestre ou un an, ça peut être fondamental dans l'ouverture d'esprit, les rencontres, les amitiés qui se créent. Par exemple, on va parler d'un séjour de 6 semaines organisé par la Fondation Fulbright, la Fondation américaine, où les étudiants de l'Europe se sont retrouvés, se sont sentis européens. Tout d'un coup, ils étaient à l'étranger, ils étaient aux États-Unis, puis ils se sont dit, tiens, l'espagnol, et après ils se sont fait un super carnet d'adresses. Je crois qu'il faut qu'on joue beaucoup sur les réseaux. Les étudiants sont tombés dans Facebook quand ils sont nés, pratiquement maintenant. Et en tout cas, ça a un sens que l'université, je ne dis pas qu'il faut que l'université soit sur Facebook, je ne pense pas même qu'il ne faut pas, mais je pense qu'il faut qu'on développe tous les moyens pour qu'ils se rencontrent entre eux. Alors là encore, il y a une question de temps, parce que on est frappé de voir, par exemple à Paris 3, qu'on a du mal à faire partir nos étudiants. On n'a pas de mal à attirer les étudiants, mais on a du mal à faire partir les nôtres, parce qu'on entend que ça fait perdre du temps. Donc pour certains, leurs conditions financières sont tellement mauvaises que déjà aller à l'étranger par Erasmus, c'est pas possible parce que la bourse Erasmus n'est pas suffisante. Alors la région, la mairie peuvent suppléer d'ailleurs, compense, l'université aussi, mais c'est pas toujours possible. Et puis il y a une espèce d'autocensure. Donc là aussi, il faut qu'on fasse une démarche vraiment proactive pour les encourager à partir. Et puis, bon, il y a des choses plus techniques, les ECTS, bon, il faut que ça soit plus facile à transposer, rendre le fait qu'aller à l'étranger, ça soit justement pas une perte de temps. au sens le plus strict des études. Donc, pas de remède miracle, se mettre à l'écoute des questions posées par les étudiants. On a maintenant la chance d'avoir un vice-président étudiant. Pour moi, c'est un relais très intéressant. C'est quelqu'un à qui je parle beaucoup, qui m'alerte sur des questions. Quelqu'un qui a son franc-parler, bien sûr, il faut que ce soit quelqu'un très ouvert, et c'est le cas à Paris 3, j'ai fini d'ailleurs dans 5 secondes. Et je dirais juste, pour terminer, que j'ai lu une enquête récente de l'OVE qui parle de la morosité des étudiants de l'université, qui doute de la valeur des diplômes. Alors là aussi, il y a un travail pédagogique à faire. Il est maintenant prouvé qu'un étudiant qui a un diplôme est moins sujet à la conjoncture économique et moins sujet à être au chômage qu'un autre. Donc là aussi, il y a des préjugés. Dans les enquêtes très précises qui ont été faites, les étudiants disent, quelqu'un, ça c'est, c'est le bling-bling, hein, c'est la télévision, c'est tout ça, quelqu'un qui a de la tchache, ça il s'en sort mieux, ça c'est pas vrai. Il faut quand même leur dire et le dire aux parents, il y a de la pédagogie à faire de ce côté-là. Donc pour dire que notre travail, c'est un travail technique d'amélioration de la vie des étudiants, mais c'est aussi un travail sur les représentations. Merci. Merci. Merci Madame la Présidente. Je n'ai pas totalement présenté la table qui est ici aujourd'hui. Il y a, en plus des différents intervenants, Benjamin Mergui, qui est modérateur, qui vient de s'occuper de l'horaire, mais pas, qui ne va pas s'occuper que de ça. Il y a Stéphane Doussot, qui est discutant, qui est psychologue clinicien et, à Dijon, et qui est psychanalyste, et qui travaille aussi au SIUMPS. Et enfin, il y a Marco Pavesi, qui est étudiant en médecine, et qui est également discutant. Je vais donner la parole aux discutants et ensuite à la salle. Juste un mot, madame. Vous avez donné un titre de Michel Butor qui est l'emploi du temps. Vous auriez pu donner un autre titre de Michel Butor qui est la modification. Car effectivement, la question de la modification est centrale. Centrale pour ces jeunes gens qui arrivent à l'université, centrale pour l'université, car j'ai entendu avec beaucoup de plaisir votre exposé et j'ai remarqué que vous mettiez l'étudiant, comme disait un ancien ministre de l'Éducation nationale, au centre du dispositif. Malheureusement, il est souvent encore à la périphérie. Ne serait-ce que sur la question de l'emploi du temps, vous savez comme moi comment se fait un emploi du temps. J'ai été directeur du FR, c'est uniquement le confort des enseignants qui est déterminant. Et uniquement. Enfin, dans mon expérience, c'était ça. Alors, est-ce qu'un discutant veut prendre la parole ? Non, mais je vais respecter l'esprit de Madame Lemardonnet. Je vais donner la parole plutôt déjà à Marco, qui est étudiant. Merci. Alors en fait, je voudrais commencer par poser une question sur la formule du labyrinthe en tant que surclôture sécurisante. En fait, j'ai pas très bien saisi pourquoi, en étant spécialiste, en fait, vous avez dit de la vie étudiante, de pouvoir être autonome et se débrouiller. Pardon, je me suis mal exprimée. Oui. Non, c'est pas pouvoir être autonome, c'est très bien. Non. Mais c'est plutôt que, au contraire, c'est quand on passe son temps à chercher sa salle, à se repérer dans ce labyrinthe qui n'a pas d'intérêt en soi, qui est juste le produit de traditions accumulées, comme vous dites, on fait d'abord l'emploi du temps de l'enseignant, puis celui de l'étudiant. Si on commençait dans l'autre sens, ça irait mieux, mais on a du mal, on va le faire, mais on a du mal. Non, c'était au contraire pour dire quand on n'a pas acquis cette autonomie, on passe son temps comme un petit rat dans un labyrinthe, on peut pas sortir, on est trop occupé à ne faire que ça, à trouver sa salle, à trouver son prof, à voir que le cours a été annulé, mais on n'a pas été prévenu, etc. En fait, c'était plus sur le côté, ça j'ai bien compris, sur le côté sécurisant de la chose. Ah ben oui, parce que ça évite qu'on se pose les grandes questions du genre pourquoi je suis à l'université, qu'est-ce que je veux faire quand je serai grande, qu'est-ce que je veux faire plus tard. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, là, on doit leur alléger la vie quotidienne pour qu'ils aient le temps de se poser des questions de fond. C'est où est-ce que je vais ? C'est ça l'angoisse principale. Merci. Allez-y. Écoutez, moi je pense qu'on va laisser les choses se croiser avec les interventions qui vont suivre et je pense qu'effectivement il y a des ponts qui vont pouvoir se faire, si vous vous permettez. Alors on va donc passer à l'intervention suivante et je donnerai la parole à la salle en fin d'après-midi pour permettre un certain ordre qui n'est pas parfait, mais c'est l'ordre qui m'a été proposé et que je vais donc suivre. La parole est à Michaël Vautier. Merci. Alors tout d'abord, moi je tiens à remercier l'association de cette invitation. Je suis très heureux d'être là parce que à plusieurs titres. D'abord parce que effectivement, je suis aussi psychologue en service universitaire de médecine préventive et je viens de l'île de la Réunion et donc c'est un contexte particulier. Je me sens un peu éloigné de mes collègues, donc quand je peux me retrouver là avec vous, c'est avec un réel plaisir. Pour vous expliquer très rapidement le contexte de la Réunion, l'université de la Réunion est une jeune université. On a vraiment une très belle université, l'académie. En plein exercice, ça date de 1984. C'est à peu près une université qui compte 10 000 étudiants avec un service de médecine préventive que je dirige et qui est donc vraiment le service au cœur de la vie étudiante. Dans un contexte assez particulier, puisqu'il faut savoir qu'à La Réunion, près de 50% des étudiants sont boursiers, issus donc de milieux assez défavorisés finalement, où dans une seule lignée, vous pouvez avoir un enfant étudiant, des parents qui sont eux-mêmes illettrés et des grands-parents analphabètes. Donc avec une majorité d'enfants qui sont les premiers de fratrie. Donc l'université, si vous voulez, représente vraiment en termes d'acquisition, en termes d'aboutissement, représente quelque chose d'extrêmement important pour les familles et les enfants. Vous disiez tout à l'heure, Madame la Présidente, de parler de file d'attente. Nous, il n'est pas rare, alors je ne sais pas si ça se fait ici aussi, mais il n'est pas rare de voir les parents qui accompagnent encore les étudiants pour s'inscrire. Je veux dire, ça se fait ici aussi. Et donc là, il y a une importance vraiment très prégnante, en tout cas, pour la Réunion de cet accès aux études dans un milieu très multiculturel, extrêmement varié, ce qui fait aussi la richesse de notre population. Voilà. Alors, moi, je vais aborder la question de l'université sous l'angle de la psychanalyse. L'idée étant de vous apporter quelques concepts, en tout cas ce que j'ai pu découvrir au sein de ma pratique, vous aider à y réfléchir aussi là où vous êtes à partir de vos interventions, qu'elles soient du psychologue, de l'enseignant ou de l'assistant social. Alors, depuis que j'y suis, donc moi ça fait à peu près une quinzaine d'années, on a observé au sein du service une demande constante des consultations en psycho, ça c'est clair, et cette consultation, elle va se faire au détour de la rencontre avec le médecin, l'infirmière ou l'assistante sociale. Alors je crois que l'état de santé en fait de la population étudiante est assez méconnu, il y a eu peu d'études, il y en a quelques-unes qui ont été faites par les mutuelles étudiantes, peu de travaux ont été consacrés, et il me semble que ce colloque, en tout cas qui est le premier, c'est le premier du genre à vraiment s'y consacrer pleinement. Par ailleurs, l'état de santé des étudiants échappe souvent à la surveillance de la médecine universitaire, parce que c'est vrai que dans nos nouveaux décrets, on a une obligation de les voir tous entre la L1 et la L3, mais c'est pas forcément possible compte tenu des moyens financiers dont nous disposons. Donc certains nous échappent finalement. Alors sur les études qui ont été faites au niveau de la santé des étudiants, les premières études moi que j'avais relevées étaient celles qui avaient été faites par le docteur Danone Boileau en 1967, qui avaient été réalisées dans le cadre d'une clinique médico-psychologique de la Fondation Santé des étudiants de France. Et les caractéristiques qu'il relevait et qu'on retrouve aujourd'hui finalement sont donc pour les étudiants qui consultent, des étudiants issus majoritairement du premier cycle, avec un taux important de symptomatologie psychotique par rapport à la population générale, en particulier chez les hommes, donc un taux important à mettre en rapport avec les problématiques narcissiques de nature limite, et puis un milieu familial souvent dissocié avec une absence de figure paternelle. Alors ainsi, pour moi, quelle que soit l'époque, il existerait une mise à l'épreuve psychique, une mise à l'épreuve psychique par cette entrée à l'université qui serait révélatrice de remaniements pulsionnels en cours dans l'entrée à la vie universitaire. Alors le nouvel étudiant, par cette épreuve de séparation, serait invité à un travail de décentration de lui-même avec une réorientation libidinale vers un objet de connaissance universitaire. Hein, le fameux objet de connaissance universitaire, ce que l'étudiant vient chercher à l'université. Et ce mouvement obéit à une double problématique, et bien c'est celle de faire face à des réaménagements pulsionnels en lien avec sa propre histoire passée, présente, et celle de les intégrer tout en investissant ce nouvel objet de connaissance. Donc le rapport à la connaissance universitaire place l'étudiant dans un processus d'élaboration psychique, concomitamment à un travail de maturation psychique qui est celui du devenir adulte. Ce rapport qui consiste en l'exploration, l'acquisition, en particulier d'un corpus issu de l'alma mater, et viendrait réactiver des fantasmes infantiles de la relation objectale. Ainsi, par le rapport à la connaissance universitaire, naîtrait une remise en scène fantasmatique du rapport pulsionnel au corps de la mère. Par ce rapport à la connaissance universitaire, il y aurait de nouveau une remise en scène fantasmatique du rapport pulsionnel au corps de la mère. Et donc, ce sont des pulsions qui sont exprimées par l'enfant vis-à-vis du corps maternel dans les premiers instants, qui, ce corps maternel, par la capacité de les contenir, de les accepter, de les détoxiquer, prédéterminerait les modalités ultérieures d'investissement de la connaissance de la part du sujet. Et ce scénario serait rejoué à l'occasion de l'entrée à l'université par la nécessité d'investir un corpus théorique et la possibilité aussi de jouir de ce corpus. Donc la capacité de penser par soi-même, la capacité de créer de nouveaux objets de connaissance, suppose un détachement de l'objet avec la possibilité de créer en soi une ère de par excitation où vont se jouer de manière et où se régleraient de manière fantasmatique des scènes post-oedipiennes, voire archaïques pré-oedipiennes. Donc si l'université représente une épreuve sociale de séparation dans un premier temps, en tant qu'espace-temps intermédiaire entre la vie chez les parents et la vie active, je soutiens qu'il représente une épreuve psychique de séparation et de perte. Alors, épreuve de séparation, parce que ce passage met à l'épreuve le sujet dans sa capacité à penser par lui-même, liée à l'estime qu'il se porte, et cette disposition à pouvoir penser par lui-même aurait pour corollaire la création d'une aire interne de par excitation, c'est-à-dire un espace de gestion des mouvements pulsionnels qui conditionne la capacité à être seul, au sens de Winnicott à ce moment-là, dans une capacité de présence à soi-même via la présence d'un objet interne. Et cette épreuve s'inscrit dans un temps de maturation psychique dénommé la post-adolescence. Alors, je vais dire quelques mots sur la notion de post-adolescence. La post-adolescence s'inscrit dans un temps, dans un espace, qui est celui de la fin du XXe siècle, dans une civilisation post-industrielle, donc la nôtre. Et cette inscription confère donc au concept une certaine nouveauté qui est à relier avec des éléments socio-conjoncturels. Alors, ce phénomène de la post-adolescence est de plus en plus accentué par la présence des enfants à la maison, notamment durant leurs études et parfois au-delà. Vous avez le film Tanguy qui l'explique très bien. Et si nous sommes effectivement en présence d'une situation conjoncturelle de chômage, de dépendance financière, cette nouvelle phase de dépendance obéit davantage à un rapport profond de changement entre les générations. C'est-à-dire que là, les parents sont amenés à faire face à un système d'attente apparemment contradictoire, où ils doivent continuer de seconder l'investissement scolaire et en même temps afficher un certain retrait. Ils ne doivent pas se montrer trop présents, mais ils ne doivent pas se montrer non plus trop envahissants. Alors c'est une caractéristique qui se joue au moment de l'adolescence et qui semble se poursuivre, moi, dans ce que j'ai pu constater, au moment des études universitaires. Donc les pratiques éducatives des parents, à ce moment-là, aussi entre deux pôles. D'abord celle de l'ingérence, où celui de l'indifférence, entre lesquels il s'agit pour eux, pour les parents, d'effectuer un travail d'interprétation de ce qui se passe. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe pour l'étudiant hein, qui arrive à l'université ? Freud, quand on lui posait la question « qu'est-ce qu'être normal ?», il disait « être normal, c'est être capable d'aimer et de travailler ». Eh bien, ce sont là deux aspects auxquels l'étudiant va être confronté, être capable d'aimer et être capable de travailler, puisque l'accès à la vie amoureuse qui a pu commencer avant, en tout cas à l'université de La Réunion, et notamment les premières relations sexuelles sont bien souvent, c'est ce qu'on constate, au niveau de l'entrée à la vie universitaire, puisqu'il y a une possibilité à ce moment-là de séparation ou d'aller vivre en dehors du domicile familial. Donc la post-adolescent, comme ère du jeune adulte, pose la question de l'homme normal et nous invite à analyser ses réaménagements psychiques en cours. Et ces réaménagements, qui valident un processus de maturation psychique dans le devenir adulte, présentent eh bien, un intérêt certain, éclairé par la question de ce devenir. Si le temps de l'adolescence se caractérise par l'accès au génital et par des modifications corporelles, on ne peut plus parler d'adolescence hein, pour notre population étudiante. Les réactions que l'on observe autour des consultations témoignent de problématiques identitaires avec un travail psychique qui est un travail propre à cette période appelée post-adolescence. Ce fonctionnement psychique, comme le comportement individuel ou en groupe des jeunes entre 18 et 25 ans, est bien différent que l'on peut observer au niveau de leurs cadets qui sont considérés comme adolescents ou de ceux de leurs aînés qui sont plus proches de ce qu'on appelle la crise de milieu de vie. Donc le phénomène observé ici au niveau des étudiants montre qu'il y a bien un terme à l'adolescence. Ici le jeune adulte a les moyens physiques, a les moyens mentaux d'indépendance vis-à-vis de ses parents. Et la suite de l'adolescence, hein, puisqu'on parle d'une post-adolescence, eh bien, Jean Guillaumin, lui, qualifie cette étape d'introjection profonde. C'est-à-dire qu'il parle d'une introjection d'objets parentaux désormais mort-vivants. Voilà, c'est ce que qualifie la post-adolescence. Je répète parce que c'est un concept tout à fait intéressant. Il parle d'une introjection d'objets parentaux désormais mort-vivants. C'est-à-dire comme s'il fallait maintenant, pour une fois, définitivement, mettre à distance les parents et les mettre à une bonne distance. Voilà. Je vous cite Guillaumin, hein, il s'organise en tout cas dans nos sociétés une véritable stratégie de l'immobilisation ou de la mise en réserve à distance de l'objet, objet dont l'idéalisation a été définitivement perdue en fin d'adolescence, mais dont le deuil impliquant un travail d'introjection profonde n'a pu être fait. C'est-à-dire comme si finalement nous étions dans une phase de deuil, hein, dans cette prise de distance vis-à-vis des parents, et que c'était à ce moment-là, dans cette phase de post-adolescence, qu'elle pouvait se faire définitivement. C'est vrai que dans cette phase post-adolescente, eh bien, les choix professionnels sont mis en suspens, parfois de manière indéfinie. Les relations amoureuses sont instables, avec une sensibilité particulière concernant les menaces du rapproché ou de l'union entre tendresse et sensualité. Et cette instabilité est en relation avec la menace des objets internes, dont le lien du sujet avec eux peut être trop chaud ou alors menacé de refroidissement, avec les cadavres mort-vivant des objets parentaux qui sont toujours non introjectés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une difficulté de positionnement dans la relation amoureuse. Et pour Guillaumin, il s'agit des formes de déni pour élaborer de manière différée, progressive, des introjections que l'adolescence ne permet pas. Donc ce temps est bien celui d'un approfondissement des relations objectales qui ont été commencées à l'adolescence. Et c'est ce que rappelle Delage et Granier. Pour eux, la post-adolescence est une mise à l'épreuve de ce qui s'est mobilisé à l'adolescence autour de deux axes de construction psychique. Là, on retrouve le complexe d'Oedipe et ses identifications associées qui vont mener à une intériorisation progressive de l'identité sexuelle et l'orientation génitale adulte. Et puis le deuxième axe qui est les processus de séparation, individuation de la petite enfance et son après-coup pubertaire. Donc l'idée, c'est que l'entrée à l'université représente une véritable épreuve initiatique, par la capacité à retravailler l'Oedipe, et donc également le meurtre et la mort dans son rapport à la castration. Le tout dans une perspective de construction identitaire d'un adulte en devenir. les possibles, les différents possibles sont variables à ce niveau-là, l'orientation professionnelle, les choix de vie personnelle, les engagements relationnels, et toutes ces possibles, et bien finalement, à l'intérieur de ce labyrinthe, seraient un élément de déclenchement en termes d'économie pulsionnelle, conduisant à un remaniement par un travail du psychisme autour des images parentales. Cette initiation vient prendre la forme d'une expérience d'affiliation à un corps social étudiant par le vécu de séparation et l'acceptation de la castration. Donc l'université, par les séparations qu'elle impose, et d'autant plus à l'île de la Réunion, où il y a vraiment un contexte particulier qui fait que l'université est un monde moderne par rapport à un monde traditionnel dont sont issus souvent les étudiants, eh bien cette séparation viendrait réveiller des angoisses inhérentes à la séparation de l'objet. Et cette angoisse serait potentialisée par le processus de post-adolescence qui implique un détachement stable et définitif des figures parentales. Donc nous soutenons que ce détachement présente ce que j'ai qualifié de risque mélancolique, c'est-à-dire qu'il s'agirait pour le jeune adulte de maintenir en lui la totalité ou une partie de l'objet sous forme d'introjection de l'objet perdu dans une partie clivée du moi. Ce risque serait d'autant plus amplifié que sujet et objet se maintiendraient dans une forme d'aliénation narcissique réciproque afin de lutter contre l'épreuve de séparation. La capacité de vivre et de supporter les angoisses de séparation est une mise à l'épreuve de la capacité à être seul, au sens de Winnicott, où il apparaît nécessaire au post-adolescent de sentir la présence de quelqu'un comme un atout dans le déroulement de ses études. Donc nous sommes ici en présence d'un Œdipe nouvellement aménageable, selon Léon et Morvan, qui mène à un vécu prégnant de la solitude, telle une solitude de l'angoisse devant notamment l'angoisse de mort. Et la capacité de vivre cette angoisse, eh bien, est un signe de maturité, car au-delà d'une forme d'angoisse de castration, elle inscrit dans le psychisme la mort possible du sujet et la mort possible aussi des parents. Elle permet d'une part l'inscription du sujet dans sa génération, dans son environnement, en tant que principe de réalité, et elle permet aussi un temps d'affermissement dans la croissance de sa sexualité, ce que nous avons qualifié de sexualité sociale, qui est définie par une génitalité affirmée, affinée dans des relations possibles d'altérité où les désirs réciproques se rencontrent, s'élaborent, pour investir le champ de la réalité sociale. Et l'accession à ce temps nécessite un détachement des figures parentales avec un travail de déconstruction, reconstruction des identifications du sujet, dans un premier temps à un niveau narcissique, puis à un niveau œdipien. Et la névrose d'échec, que l'on peut constater notamment en première année, vient signifier la difficulté de ce réaménagement entre sujet et objet dans une épreuve de séparation. Autre point important qui me semble important de préciser ici et que j'ai pu découvrir moi dans mon travail, c'est que c'est dans cet espace de travail psychique que va surgir de manière privilégiée le sentiment indicible de la honte. En fait, ce travail dont je vous parlais d'introjection profonde, dû au détachement des figures parentales, en menant finalement à une rupture des identifications du sujet, le laisse seul face à son propre désir, d'où le risque de la honte à être et à ressentir. Alors Freud avait situé les origines de la honte dans une dimension liée à la sexualité de l'enfant, mais il n'avait pas établi de lien très clair avec les mécanismes de séparation dans la relation. Et nous analysons donc la séparation comme potentiellement révélatrice de honte pour le sujet, tenté de ne pas se séparer de tout ou partie de l'objet. Et donc, ce que je précise, c'est que la capacité à faire face à la honte nécessite le développement d'une capacité à être seul. Cette séparation, nécessaire à la construction identitaire du sujet, serait donc révélatrice de honte chez le sujet post-adolescent, pour lequel se pose de manière aiguë la définition de soi en similitude et en rupture avec l'autre. Donc l'accès à ces objets de connaissance, à l'universel, par un investissement sublimé sous l'impulsion de la pulsion épistémophilique, viendrait participer au consentement de la honte par le sujet. Ce travail de déconstruction, reconstruction des identifications est à mettre en parallèle avec le travail autour de l'objet de la connaissance soumis à la pulsion épistémophilique. La pulsion épistémophilique, c'est cette pulsion qui nous pousse à connaître, pulsion qui nous pousse à savoir. Tout se passe comme si au niveau interne, comme si le travail interne au niveau psychique du jeune adulte étudiant et le travail externe au niveau universitaire étaient soumis au même destin pulsionnel. La pulsion épistémophilique, hein, donc cette pulsion qui nous pousse à connaître, à savoir, vectorise l'acquisition d'un savoir sous forme d'un corpus théorique dont l'étudiant doit être en mesure de s'emparer. Eh bien, ce corps, hein, ce corpus théorique, c'est symboliquement celui de l'alma mater, c'est-à-dire celui de la mère qui se verra saisie, mâchée, digérée et enfin recrachée sous une nouvelle forme, vectorisée cette fois par une puissance phallique, appelant à la création, à l'affirmation de soi. Donc, il est important que l'étudiant puisse se saisir de ces objets de connaissances universitaires, de pouvoir en jouir, et c'est l'imago paternel qui empêcherait un enfermement dans la jouissance jusqu'à en devenir honteuse. Ainsi, dans sa fonction de tiers séparateur, le père deviendrait présent en qualité de figure de solitude. Il offrirait la possibilité au sujet de se rencontrer soi-même et de s'accepter avec sa honte. Ce qui serait présent donc au cœur de la réélaboration post-adolescence demeurerait, je termine, donc demeurerait la question du rapport au savoir, de l'affirmation de son propre désir et l'université devenant un véritable espace de transition, de subjectivation. Donc, au sein de cet espace, quel est le rôle du clinicien? Eh bien, c'est de favoriser dans l'interstice psychique du processus de deuil et de mise à distance l'émergence d'une subjectivité propre à travers le vécu de la solitude et de l'assomption de la honte. Nous avons ainsi découvert dans notre travail clinique auprès des étudiants combien honte et solitude étaient liées. Et l'idée, c'est que cette honte, hein, difficile à cerner, eh bien, elle vient paradoxalement, lorsqu'elle peut s'exprimer, renforcer le lien avec autrui, notamment sous le regard du psychothérapeute, dans le travail d'accompagnement du sujet. Le travail thérapeutique avec le jeune adulte, étudiant, est selon nous l'image, à l'image d'une traversée de l'angoisse pour y rencontrer quoi ? Eh bien, pour y rencontrer la mort, l'agressivité, la sexualité et la honte. Alors des questions qui sont certes communes au travail thérapeutique en général, mais qui prennent cependant une intensité particulière avec notre population d'études. Cette intensité hein, du travail se conjugue avec un nouvel environnement social à investir, des séparations familiales, le fait d'être adulte, la génitalité et la fleur de peau, avec une tentative d'être réassuré sur sa propre valeur, son identité, ses choix. Et notre travail de clinicien auprès des étudiants nécessite un engagement de nous-mêmes, cet engagement que eux-mêmes, des fois, peuvent difficilement tenir au cœur d'une intimité psychique, parfois déstructurée, souvent désorientée, afin de les aider à affiner, voire à construire des choix d'investissement professionnel, personnel, amoureux. Les centres de santé, à mon avis, exerceraient ce que j'appelle alors des fonctions de sas psychique, où pourraient cohabiter différents univers psychiques, au sein desquels l'étudiant viendrait prendre le temps d'y découvrir sa propre singularité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour cet exposé dense. Je crois qu'il y a une manière de ponctuer ou de rapprocher deux exposés en évoquant, peut-être pour la reprendre, la question que vous avez abordée, madame, qui est la question de la secondarisation de l'enseignement supérieur. Il me semble que une manière de se défendre de la séparation et une manière de faire avec l'université de masse, c'est le risque de la secondarisation. Ce risque de la secondarisation ne tient pas seulement, me semble-t-il, et c'est cet exposé qui me permet de le dire, ne tient pas seulement à des choix politiques. Il est présent dans la parole des étudiants. Vous avez maintenant des étudiants qui disent qu'ils sont des élèves. Ils parlent comme s'ils continuaient le lycée. C'est une manière de ne pas se séparer. Je crois qu'il y a là une question tout à fait importante, c'est-à-dire que le processus de secondarisation, il est accentué, alimenté éventuellement par le fameux mal-être étudiant qui nous réunit ici. Un autre exemple que vous avez donné, et c'était un point qui m'a choqué, encore que je n'ai rien à proposer de différent, vous avez souligné la nécessité d'échange entre les étudiants et vous avez utilisé le mot groupe-classe. Classe, c'est aussi ce que disent les étudiants. S'il n'y a pas ma classe, je cherche ma classe, comme s'ils étaient au lycée ou même au CP. Il y a là une question tout à fait importante qui me sert à ponctuer et qui pourra être repris. Je crois que la question de la secondarisation n'est pas sans rapport avec la question du mal-être. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Oui, merci pour cet exposé qui a des aspects très théoriques. Sur lesquels je ne sais pas si c'est l'objet d'en discuter amplement, mais vous avez beaucoup articulé la question de la honte. Bon, alors moi je ferai lien avec l'exposé précédent en me posant la question ici avec nous tous de ce qui fait la spécificité de ces lieux que sont les services de médecine préventive universitaire et qui répondent peut-être de ce que vous avez évoqué en fin de votre exposé comme un sas. Voilà, j'ai votre texte. Un sas psychique où pourraient cohabiter différents univers psychiques, etc., au sein desquels l'étudiant accompagné prendra le temps d'y découvrir sa singularité. Je ferai le pont avec l'exposé précédent, Madame Le Mardelet, que je trouvais très, très peu administratif, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, vous avez parlé dans une préoccupation des étudiants qui me paraît très vraie, très proche de ce qu'ils peuvent, je pourrais dire comme ça, ressentir. Vous avez parlé du dédale, de ce lieu fermé, d'un statut particulier, hein, compliqué entre l'indépendance et une forme de dépendance, la précarité, la réalité de ce que c'est qu'un étudiant de nos jours. Et je crois que vous avez fait un exposé qui était tout centré sur leur environnement et de la nécessité de créer, de participer en tout cas, sans plus de prétention, à tout ce qui peut créer un environnement, vous avez dit, mais c'est votre mot, je le trouve tout à fait juste, plus confortable. Et peut-être aussi suffisamment confortable pour pouvoir se débrouiller ensuite pour en sortir. Hein ? Alors, l'exposé de M. Vautier effectivement décrit cette période dont on a tous parlé dans nos réunions, qui est une période très particulière, qui fait qu'effectivement on a une clinique qui n'est pas une clinique de l'adolescent et qui n'est pas totalement non plus une clinique de l'adulte. Moi je reçois des gens aussi bien à mon cabinet qu'au service de médecine préventive de la même classe d'âge. La demande n'est pas tout à fait la même. Pourtant, on répond de la même manière. Mais il y a une demande qui est spécifique, il y a une demande qui tient compte de ce nouage qui se fait entre la problématique singulière d'un sujet étudiant et du lieu dans lequel il vient nous consulter, c'est-à-dire l'université qui l'abrite et qui est en quelque sorte à son service. Donc je poserai la question de la place que peut venir prendre dans l'université au titre de l'environnement un peu plus confortable qu'on peut lui donner, de la question du soin, ce qui peut peut-être faire très l'intervention qui va suivre, celle de Luc qui va interroger effectivement comment se sont mis en place ces dispositifs de soins. Juste pour répondre à ce que vous dites, juste une phrase que j'ai d'une consultation d'une jeune fille qui vient me voir pour des problématiques liées à ses parents, à son petit copain, et qui me dit « mais j'en peux plus, comment penser tout ça ?» Alors, comment penser tout ça? Alors, on a repris sur le fait de le penser, ou le penser en termes de soins, et c'est bien la problématique pour laquelle elle vient, c'est-à-dire vraiment la question de d'y réfléchir et de aussi en même temps de le soigner. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention à la table? Oui, monsieur Pavesi. Oui, alors moi je voudrais revenir sur les deux exposés. C'est vrai que voilà, avec l'intervention de monsieur Vautier, on a bien vu que il exposait le fait que l'université pouvait apparaître comme avec le problème de secondarisation comme une espèce d'assistance à l'étudiant, quelque chose qui pourrait l'empêcher avec l'effet de masse de se développer, de s'autonomiser. Et en même temps, j'aurais faire le lien avec ce qu'a dit Madame Le Mardelet sur les lieux de vie et les associations. Et moi, je pense qu'une solution une idée de solution, ça serait effectivement de promouvoir ces lieux de vie et ces associations. Parce qu'au lieu d'avoir une assistance à l'étudiant par l'université, ça serait plutôt l'appartenance à un groupe de, d'étudiants du même âge et de pouvoir promouvoir et d'évoluer dans justement des groupes d'un côté indépendant de l'université, mais qui apporterait aussi un confort et une maison à l'étudiant. Les processus là, tels que je les ai décrits, que ça soit à l'université ou en classe prépa, ou donc en grande école, on va retrouver à peu près la même chose. Mais c'est vrai que c'est pas tellement l'université qui est à mettre en cause, c'est qu'en fait ces processus psychologiques tels que je les ai abordés vont se vivre dans un environnement particulier. Et c'est vrai que c'est plus facile de s'affilier à un groupe quand on est en grande école, en classe prépa, que de s'affilier lorsqu'on est à l'université. C'est la question de l'affiliation étudiante, avec cet effet de masse. Et c'est comment endosser sa carte d'identité étudiante et dans quel groupe s'affilier. Là, il y a tout un travail effectivement à faire au niveau des associations. Disons que ça devient aidant à ce moment-là. Mais c'est pour ça, je voulais prendre l'exemple de mon cas. Voilà, moi, je suis étudiant en médecine. On a des associations qui sont déjà fondées depuis longtemps et qui nous permettent d'abord effectivement d'appartenir à un groupe, en même temps de connaître les étudiants. Ça crée des espaces de rencontre, des espaces de vie. On a justement le bureau de la vie étudiante qui organise ici des projections de cinéma, des choses comme ça. Et effectivement, voilà, je pense que dans pas mal de problèmes qui ont été soulevés, comme l'identité propre de l'étudiant et en même temps d'éviter qu'il soit totalement perdu, je pense que les associations et les lieux de vie pour les étudiants, ce sont des bonnes choses. Je voulais donner à notre étudiant à la table une bonne nouvelle, et à tous d'ailleurs, c'est que la conférence des présidents d'université, sa séance plénière d'hier, a voté une charte. Alors évidemment, les chartes de la CPU n'ont pas de valeur de loi, mais elles ont une valeur incitative, qui s'intitule, je l'ai apporté, « Charte pour la dynamisation de la vie associative des universités, le développement et la valorisation de l'engagement étudiant ». Bien, il faut utiliser le temps qui nous reste pour entendre et discuter l'exposé de Luc Vétois, qui est psychologue clinicien au SUMS de Paris 6, qui est psychanalyste, et qui va nous parler des psychologues dans l'université. Je vais partir d'une trame historique de l'histoire de l'installation de la médecine préventive étudiante et comment apparaissent les psychologues dans l'université. Je pars de l'histoire parce que je crois que, d'une certaine manière, les services de médecine préventive sont un indicateur de la place qu'on veut bien accorder à l'étudiant. Qu'est-ce qu'on fait de l'étudiant alors? Que font les universités de l'étudiant et quelle place ils lui donnent? Donc, une première partie historique. Les premières activités médicales en faveur des étudiants sont apparues après la Première Guerre mondiale à Nancy et à Strasbourg. Très rapidement, en 1923, le congrès de l'UNEF décide de doter les étudiants tuberculeux d'un sanatorium spécial. Je passe quelques dates. En 1938 et 1939, les universités françaises sont autorisées à percevoir une taxe pour financer des visites médicales et l'obligation pour les étudiants de se soumettre à ces visites est instituée. En réalité, cette obligation va mettre un certain temps à se mettre en place, et ce n'est qu'avec les ordonnances de 45, dans le grand mouvement des ordonnances de 45, qu'un service de médecine préventive va être constitué à la demande des étudiants. Les objectifs de l'époque à ce service, on le sait, étaient plutôt la lutte contre la tuberculose, la malnutrition et les maladies vénériennes. À Paris, je reprends l'histoire de Paris parce que je voudrais montrer en quoi elle est significative. À Paris, une convention est signée entre un service interuniversitaire de médecine préventive qui regroupe toutes les universités parisiennes à ce moment-là et l'hôpital international de la cité universitaire, le boulevard Jourdan. l'hôpital de l'Université de Paris. Durant 40 ans, dans ce service vont défiler des dizaines de milliers d'étudiants qui vont tous être reçus pour un acte qui est semblable, c'est la visite médicale qui est standardisée et qui ne va quasiment pas changer pendant 40 ans. Assez rapidement, cette visite médicale va s'avérer obsolète et va représenter en plus une charge financière tout à fait importante pour un très faible bénéfice sanitaire. Il faut rappeler que le bénéfice sanitaire pour la population étudiante a été tout de même très important, comparable à celui de l'amélioration générale de la population durant la même période. Jusqu'en 1986, donc, l'hôpital Jourdan reçoit autour de cette visite médicale. Durant ce temps, bien sûr, l'université se développe au rythme général des Trente Glorieuses et avec elle, sa population croît et change. Les étudiants sont de moins en moins assidus à la visite médicale au point de ne plus y venir. En 86 et 87, les universités Paris 6 et Paris 7, deux universités parisiennes, décident chacune de leur côté de créer un service de médecine préventive et quittent l'interuniversitaire. L'hôpital Jourdan, devant le désintérêt des étudiants et leur absence, ferme. En 1988, un certain nombre de personnes de l'hôpital Jourdan vont se réunir pour un travail de réflexion qui va aboutir au début de l'année universitaire 1988-89 à la création d'un service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Promotion de la santé, M. Jacobi, c'est PS, c'est l'initiale que, dont tout à l'heure vous n'arriviez pas à déchiffrer le contenu. Promotion de la santé, c'est assez important pour notre histoire. C'est un concept qui est introduit en France par le professeur Bernard Pissarro, qui est médecin de santé publique, qui avait en 1982 remis un rapport au ministre de l'Éducation nationale de l'époque. Et on va voir, je vais très très brièvement développer ces concepts de santé communautaire, on va voir qu'ils sont tout à fait à l'origine de l'apparition des psychologues, de l'apparition d'une place à laquelle on va mettre des psychologues. En 88, il y a un décret, ça a mis un peu de temps, le rapport au ministre était en 1982. En 88, il y a la promulgation d'un décret qui fixe les missions des services de médecine préventive et de promotion de la santé. À Paris, c'est en 1989, qu'est présenté au recteur de l'Université de Paris, le SUMS, qui regroupe 6 universités parisiennes et reçoit également les étudiants d'un certain nombre d'établissements privés de l'enseignement supérieur qui ont passé convention avec le SUMS. Les équipes de médecine préventive, une dans chaque université, ont une organisation pluridisciplinaire et incluent pour la première fois des psychologues avec les médecins, des infirmières, des assistantes sociales et les secrétaires. Paris 6 et Paris 7 s'organisent sur le même mode mais restent en dehors de l'interuniversitaire. Pourquoi des équipes universitaires et des psychologues ? À Paris, c'est le docteur Mireille Pététin, qui à ce moment-là était médecin conseiller du recteur, qui dirige le service et c'est elle qui décide d'inclure des psychologues aux équipes. Elle s'inspire des principes de la santé communautaire et d'une approche globale de la santé des étudiants, telle que le professeur Pissarro, je viens de le dire, les définissait depuis un moment dans son travail sur la santé communautaire. Brièvement, ce que l'on peut retenir des concepts de santé communautaire, c'est une approche qui modifie le rapport du médecin et de son patient dans le contexte de la prévention pour restituer au patient une capacité propre à définir ses besoins en termes de santé. Il devient ainsi acteur de sa santé et peut s'impliquer dans la prévention primaire. Dans son rapport, Bernard Pissarro proposait non plus de lutter contre telle ou telle maladie, mais plutôt d'élaborer avec les étudiants des actions locales pour leur santé. Il décline 11 propositions, parmi lesquelles j'en ai retenu 3. Prendre en compte l'individu dans son intégralité et dans son environnement. Identifier les besoins en termes de santé physique, mentale et sociale des étudiants. Et assurer l'accueil et l'écoute des étudiants. Dans la présentation de son service au recteur, Mireille Pététin précise qu'elle souhaite transformer la visite médicale obligatoire en examen à la demande, où l'étudiant participe activement à son bilan de santé. Elle indique également « Il nous faut mieux entendre la demande des étudiants, mieux répondre à leurs besoins, mieux cerner les risques dus à l'individu ou à son environnement. » Apparaît dès lors une approche qui donne toute son importance à ce qu'indique l'étudiant lui-même. On voit ici comment s'ouvre une voie qui fait place à la demande des étudiants. Ce ne sont plus seulement les études épidémiologiques ou les orientations programmées de santé publique qui déterminent les projets des services de médecine préventive, mais les besoins tels que les étudiants eux-mêmes vont les définir. Je dirais que c'est à partir de là que le travail des psychologues a pu commencer. Et je préciserai également qu'historiquement, à Paris, les psychologues sont à l'époque des psychologues cliniciens qui se réfèrent tous à la psychanalyse. Assez rapidement, un certain nombre de constats sont apparus. Il y en a trois. Le premier, au fur et à mesure que notre consultation était connue, la demande s'est accrue. Le besoin était donc bien réel. Et en effet, les étudiants se saisissent de cette consultation dans laquelle ils parlent, en leur nom, de ce qui les préoccupe. Le second constat, c'est que cette demande s'est avec le temps développée de manière multiforme dans l'université. En effet, s'adresse à nous les étudiants, mais également les enseignants, des personnels administratifs et des instances de l'université, des conseils par exemple. Et puis nous avons observé, c'est le troisième constat, que la demande qui s'exprime dans nos consultations est le plus souvent d'emblée investie, ce qui rend difficile, voire impossible, quelquefois, une adresse extérieure. Nous observons ainsi que les étudiants sont prêts à entreprendre un travail psychique, là, dans leur université, et peut-être pas ailleurs. C'est une question dont on aura à parler peut-être. Ces trois points ont leur importance car ils déterminent chacun des conséquences qui donnent sa spécificité à notre clinique. Je reprends ces trois constats. Le premier constat, une demande de consultation en expansion. En effet, depuis son début jusqu'à aujourd'hui, on constate globalement un accroissement continu du nombre de consultations et en tout état de cause une demande soutenue. Soit qu'ils viennent pour une ou quelques séances, soit qu'ils s'engagent dans un suivi plus long, les demandes des étudiants se multiplient. Devons-nous en conclure que les étudiants sont une population particulièrement fragile, psychologiquement et en difficulté? Dit comme cela, je réponds que la réponse est négative. D'aucune manière, on ne peut mettre en évidence, me semble-t-il, une psychopathologie spécifique aux étudiants. En revanche, il est important de considérer que la tranche d'âge concernée est en effet une population qui vit des épreuves subjectives difficiles dans un temps d'élaboration et de redistribution de ses affects et de ses investissements. Temps de séparation, ou au moins de prise à distance, de prise de distance, avec le milieu familial, avec l'enfance, tant de choix, de renoncement, de découverte et d'élaboration dans les domaines de la vie affective et sociale. Par ailleurs, l'université est elle-même un lieu et un temps fort de la vie du sujet qui constitue une surface de projection d'idéaux familiaux, sociaux ou personnels. C'est le lieu de l'acquisition du savoir qui déterminera ultérieurement des modes de relation à l'autre et au monde. Or, l'étudiant rencontre là un paradoxe, lui qui vient nous consulter, souvent dans une position d'ignorance devant lui-même, son désir et ce qu'il fait souffrir, son symptôme, son inhibition, son angoisse. Savoir et ignorance, échec et réussite, place subjective et place sociale, sont pour l'étudiant noués, tissés ensemble. Ainsi, l'échec et la réussite, ils sont souvent identifiés à la réussite ou bien à l'échec personnel de leur être. Nous constatons alors régulièrement les tentatives du sujet pour affirmer son identité en dehors du cadre universitaire, c'est-à-dire des prescriptions sociales ou familiales, qui trouvent leur résolution à l'université, de manière imaginaire souvent. La spécificité de notre acte, c'est, je dirais, de permettre à un sujet de laisser advenir son désir, de parler en son nom propre et de construire un pont entre sa subjectivité et ses besoins, et l'objectivation de son acte d'intégration sociale au travers de son engagement universitaire, dans une voie ou dans une autre. Ainsi, la parole qui se déroule dans nos consultations est le plus souvent très étrangère aux contraintes, aux rythmes, aux événements de la vie universitaire. Pourtant, c'est là que vont s'affirmer des choix originaux, quelquefois découverts dans la rencontre avec le psychologue. Je voudrais noter que dans ces choix n'excluent pas l'interruption des études, qui n'est pas toujours vécue comme un échec. Le deuxième constat que nous avons fait, c'est celui qui montre que la demande qu'on nous adresse à nous, psychologues, comme professionnels dans ces services de médecine préventive à l'intérieur de l'université, que cette demande est multiforme. Les demandes, elles sont reçues dans nos consultations sur lieu d'université, peuvent prendre en effet des formes multiples. D'abord parce que les étudiants ne sont pas les seuls à s'adresser à nous, mais également les personnels de l'université, les enseignants, les conseils ou instances universitaires le font également. Nous pouvons ainsi être associés comme partenaires à des actions, aussi, nous pouvons également être associés comme partenaires à des actions d'information, de promotion de la santé, de prévention, de... Par exemple, un enseignant peut s'adresser à nous pour évoquer les difficultés d'un étudiant, mais également pour celles qu'il a lui-même avec un étudiant. Il a pu arriver qu'on nous demande un conseil sur l'attitude que peut avoir un conseil de discipline par rapport à un acte délictueux de type psychopathique d'un étudiant. Un CVU ou un CHS peut demander un avis sur un point particulier. Un membre du personnel peut nous demander un conseil, une adresse. Une enseignante m'a demandé d'intervenir dans une classe auprès des camarades d'un étudiant qui venait de mettre fin à ses jours. Il arrive également que devant l'urgence d'une conduite psychiatrique, nous intervenions pour accompagner ou conduire une hospitalisation. On peut encore nous demander d'intervenir dans des actions de promotion de la santé sur des thèmes comme les conduites à risque, l'usage des psychotropes, le stress, les addictions. Dans tous ces cas, je pense que nous ne nous situons plus comme cliniciens, mais plutôt que nous constituons une ressource dans une réflexion à plusieurs. Alors, pour ce qui concerne les demandes des étudiants, je dirais que la caractéristique même de cette demande qu'ils nous adressent est d'être déjà signifiante avant même qu'ils la nourrissent d'un contenu. Le plus souvent, en effet, être là chez le psy et mettre sa parole en jeu pour parler de soi est déjà le témoignage, sinon d'une élaboration, au moins d'un mouvement de subjectivation. Et cela, qu'il s'agit d'une demande d'adresse sur le mode imaginaire d'une demande de soins avec orientation vers un spécialiste, on peut nous demander l'adresse d'un groupe de parole spécialisé dans tel ou tel symptôme, ou bien le nom d'un praticien de telle ou telle méthode, ou bien qu'il s'agisse d'une demande de thérapie ou de psychanalyse. Cela arrive que cette demande existe comme cela en première intention et construite. Parfois plus modestement, il s'agit d'une simple demande de conseil ou encore d'une prise de contact, dont on observera quelquefois qu'il est le premier pas d'un cheminement qui plus tard conduira le sujet à s'engager dans un travail plus suivi. Le troisième constat, psy dans l'université, psy de l'université. On peut également, recevoir une demande pour que se poursuive immédiatement un travail qui est à l'œuvre. Dès la première rencontre, on constate en effet que le travail est déjà en marche. Parfois, en effet, là où un étudiant a déposé sa demande, rapidement, il prend acte qu'il est sujet de celle-ci, et dans cette découverte, il investit son interlocuteur dans un transfert qui nous convoque dans une suite à donner. Si nous offrons un lieu d'écoute, il faut s'attendre en effet à ce que les patients parlent et disent des choses. Parler a des conséquences pour le patient, comme entendre en a pour le clinicien qui engage là son acte. De sorte que notre consultation dans l'université devient son adresse pour dérouler une parole qui va donner contour à son désir. Ce point est tout à fait important, me semble-t-il, car il répond à certaines questions. Par exemple, l'université a-t-elle vocation à être le lieu d'une thérapie ? C'est une question qu'on entend parfois. Je réponds pour ma part que la question disparaît derrière sa réponse. En effet, les étudiants ont fait de nos consultations un des lieux possibles, avec les BAPU, avec les praticiens libéraux, pour engager une thérapie. C'est un fait. L'ignorer aurait des conséquences, car ce serait ignorer la personne même de l'étudiant et ce qu'il a mis en jeu dans sa parole en venant consulter. Autre question, les étudiants qui consultent un psychologue à l'université le font-ils pour des raisons mineures qui tiennent à la demande d'étayage, ou bien affirment-ils là une souffrance existentielle si importante qu'elle met en jeu directement leur capacité à investir la scène universitaire et sociale dans leur rapport propre au savoir, c'est-à-dire à l'éros ? Cette question renvoie à l'idée qu'on peut entendre parfois que nous serions là pour faciliter les études, que cette tâche étudie, à laquelle les étudiants doivent s'atteler, est si difficile et si stressante qu'ils auraient besoin d'un coup de main bienveillant. Je dirais que toute notre clinique témoigne qu'il s'agit d'autre chose. Être étudiant engage le désir, c'est-à-dire l'avenir et la place qu'un sujet tente d'y occuper. Les interventions lors de ce colloque, les interventions plus cliniques, apporteront des vignettes cliniques. Pour terminer, je voudrais revenir sur ces trois constats et dire en quoi ils déterminent une spécificité de notre clinique de psychologue dans l'université. Du premier point, le constat d'une demande, d'une demande en croissance, je retiens l'élément facilitateur que représente la consultation dans un lieu identifié à l'université. Loin des représentations médicales ou sociales qui peuvent stigmatiser celui qui se présente avec une plainte ou l'expression d'un manque, donc d'un état de faiblesse qui n'est guère de mode, consulter un psy dans l'université paraît plus acceptable. Du second point, la multiplicité des formes de la demande, je pense qu'il ouvre l'université à d'autres champs de rencontre avec l'étudiant que le simple rapport pédagogique de transmission de connaissances. De nombreux témoignages montrent en effet que les étudiants attendent de leurs enseignants, en particulier, une relation plus complète et plus généralement qu'ils attendent de ce passage à l'université qu'il soit un temps de transition vers le monde de l'adulte qu'ils vont être. Enfin, nous insistons sur le fait que nos consultations à l'université permettent de travailler en profondeur des questionnements subjectifs dont les symptômes peuvent être très invalidants et souvent extrêmement coûteux pour le sujet mais aussi pour une société. Référé au titre que j'ai indiqué des psychologues dans l'université, mon intervention pourrait s'arrêter là. Je voudrais pourtant ajouter un dernier point. Pour m'inscrire dans un mouvement qui, d'appel en pétition, alerte sur la tentation rationalisante et comptable qui règle de plus en plus chaque secteur d'activité de notre société. Aujourd'hui, les universités deviennent des entreprises soumises comme telles aux lois du commerce global du savoir. La comptabilité analytique prétend quantifier en pourcentage les différentes parts de notre acte, déterminer dans notre écoute et dans le travail psychique du patient quelle est la part du préventif, du curatif, de l'utile, du superflu, du coûteux aussi. Et ainsi un terme standardiser notre pratique, voire l'étudiant lui-même. Cette comptabilisation est le moyen, le seul reconnu pour distribuer les budgets. Le symptôme du sujet, dont nous avons appris avec la découverte freudienne qu'il était signifiant, qu'il avait une adresse et qu'il était porteur d'une intention, est devenu embarrassant. Plus commode à quantifier, à universaliser, le comportement est un eldorado qui attire de nouveaux soignants, bientôt auxiliaires des gestionnaires de ressources humaines et collaborateurs des laboratoires pharmaceutiques et des labos de recherche qu'ils financent. De la singularité que révèle le symptôme, nous passons de manière très visible à une homogénéisation des conduites et à une stigmatisation des différences. Dès la prime enfance, l'enfant est surveillé à l'école, dans chacun de ses comportements. La valeur prédictive de ces comportements est statistiquement établie pour déterminer qui sera délinquant et qui sera un citoyen utile, c'est-à-dire qui justifiera en termes de productivité et de rentabilité l'investissement dont il aura été l'objet. On est bien loin du désir et du savoir comme bien universel de l'humanité, et une éthique du rapport coût-bénéfice s'impose. Aujourd'hui, c'est l'évaluation et le dépistage des anomalies qui menacent de devenir la vérité et le savoir. Merci. Des observations. Oui, mais je vais... tout de suite la salle. Alors, tout de suite la salle. La parole est à la salle. Qui veut intervenir? Oui, ça marche. Bonjour, Serge Hitchcock, Université du Havre, donc directeur du service d'accueil des étudiants handicapés et aussi ex-directeur du service des sports du SWAPS. Donc je pose la question par rapport au premier thème de l'emploi du temps des étudiants. Il s'avère que dans beaucoup d'universités, les étudiants n'ont pas le temps matériel de pratiquer les activités sportives, notamment avec le problème de la libération du jeudi après-midi. Et donc est-ce que le côté sport qui permet aussi à l'étudiant, qu'il soit handicapé ou pas, qu'il soit valide, au niveau de la santé. Hein, et ma question, c'est est-ce qu'au niveau de la CPU, il n'y a pas un message à faire passer de manière à ce que les emplois du temps soient beaucoup plus étalés sur la semaine? Parce que ça, c'est un vrai problème, vous l'évoquiez. Souvent, on fait les emplois du temps par rapport à l'intérêt des collègues enseignants et pas l'intérêt des étudiants. Donc là, il y a vraiment un problème au niveau de la qualité de vie dans nos universités. Moi, j'ai une petite université, on arrive à le régler, mais j'imagine que dans des grandes universités, c'est extrêmement difficile. Je peux répondre, oui. Allez-y, allez-y. Je voudrais répondre à un monsieur dont je n'ai pas entendu le nom, que vous êtes bien protégé par votre président Camille Galap, qui est très investi à la CPU dans la vie étudiante. Il préside la commission vie étudiante. Alors moi, je viens d'entrer dans cette commission, donc je ne sais pas si c'est déjà été fait, mais je suis sûre que ils en ont déjà parlé de ces questions de sport, d'emploi du temps, etc. Mais oui, je veux bien relayer, mais je pense que Camille Galap y a déjà pensé. On va discuter avec la salle. Je souhaiterais. Pardon, il y a quelqu'un. Excusez-moi. Quelqu'un qui. Excusez-moi, je ne l'ai pas vu. Oui, j'anticipe un peu, je viendrai à la prochaine table ronde, mais j'ai des fourmis dans la langue, si je puis dire. Parce que ce qui se dessine, quand même, c'est il y a deux discours. On parle du mal-être des étudiants, et il faut quand même pas perdre de vue qu'on parle de deux choses. On parle d'un côté de personnes en souffrance, et les interventions des psychanalystes, auxquelles je souscris sans réserve, montrent que on ne peut y répondre que un par un, que il n'y a pas de réponse collective, à ma connaissance, à la souffrance, à la demande d'un étudiant en difficulté, quelles qu'en soient les raisons. Et puis il y a un discours alors politique, je reprends les termes de la présidente, qui sont, je dirais, tout à fait dans cette ligne, à savoir que tous les présidents sont soucieux, à les entendre, du bien-être des étudiants. En tout cas, ceux que je connais. Hein. Et pour répondre au mal-être, il est clair, et vous l'avez dit, bah, il faut augmenter le bien-être. Je crois que on peut, bah, le confort, etc. Et c'est ce qu'on fait, c'est bien. Mais ce que je voudrais pointer, c'est que ce discours-là implique des questions politiques. De gouvernance, comme on dit aujourd'hui, je ne veux pas dire management, ça me fait horreur, excusez-moi, mais que ce sont des décisions politiques, et depuis 20 ans que je m'investis à Strasbourg dans cette question, je peux dire que la situation n'a jamais cessé de se dégrader. Je parle de la situation, de la condition, des conditions psychologiques des étudiants, et une faculté que je connais bien, la faculté de médecine. Il y a un étudiant en médecine ici, il pourra nous dire ce que représente d'avoir des cours à 3000 étudiants en même temps, diffusés dans 10 amphithéâtres différents par vidéo. Donc, je ne voudrais pas dire que les choses sont sans rapport. Tout à l'heure, je dirais où, justement, elles s'articulent, mais il y a un discours des psychanalystes, je dirais, tout à fait adéquat à la chose psychologique, et puis il y a un autre discours qui est un discours politique qui suppose de prendre des décisions, et ces décisions, je crois qu'elles ne sont pas prises, étant donné, vous l'avez dit vous-même, que les universités sont engagées dans une toute autre voie que le souci de la santé mentale des étudiants. Voilà, je suis un peu abrupt. Je voulais justement rebondir sur cette question de l'articulation entre la clinique et la politique. Je crois qu'on doit remercier Luc Bétois de son exposé extrêmement documenté, notamment sur le plan historique, déjà. Et puis, sur le fait que les choses sont quand même très liées. C'est bien parce que politiquement, on a permis aux psychologues, en tout cas dans ces services, d'accéder à la demande des étudiants, que quelque chose s'est développé. C'est peut-être même pas indifférent que ce soit dans un premier temps des psychologues analystes qui aient répondu pour que cette demande puisse, pendant tout un temps, être entendue comme telle. La question que je voulais poser, alors il y en a une sur le plan historique, comme on a à l'université, pourquoi pas, c'est pas anecdotique, je me pose la question de savoir pourquoi ça a commencé à Nancy et à Strasbourg, dans cette proximité avec l'Allemagne dans les années 20. Deuxième question, c'est est-ce que les choses que décrit Luc Vétois sont justement pas en train de se refermer ? C'est-à-dire cette ouverture à la demande, dans la singularité de cette demande, traitée dans le un par un, mais pas seulement. Certes, on traite les choses dans le un par un, mais dans un dispositif collectif, c'est-à-dire que c'est quand même des dispositifs qui ont été mis en place, reconnus, financés, pour accueillir des gens un par un, mais dans un espace commun, dans un espace institutionnel. Et je crois que cet espace institutionnel pourrait bien être très directement menacé. Il y a un certain nombre de choses qui se passent actuellement qui montrent que cet espace est menacé politiquement et financièrement. Je suis pas sûr que les budgets actuellement soient favorables aux soins, et le sont peut-être plus à, je ne sais pas, à des stratégies de communication. C'est un exemple. C'est d'où l'intérêt de ce colloque. Là, je voudrais poser la question à Luc. Je pourrais terminer son exposé avec ce questionnement. Est-ce que les choses qui se sont ouvertes à un moment donné, même si la demande elle est toujours là, même si on est toujours là pour la recevoir, ne sont pas en train de se refermer ? Bon, je voudrais rebondir sur la question de la sortie de l'université qui a été posée donc par Madame Le Mardelet, et qui a donc été reprise par votre question, M. Pavesi. Je crois qu'elle est tout à fait éclairée par l'intervention de Michaël Vautier sur la séparation. Ce qu'on rencontre souvent, moi je travaille dans un BAPU, donc on rencontre souvent dans la clinique, c'est des étudiants en fin d'études qui ont du mal à sortir de l'université. Alors pourquoi ? Parce que, à mon sens, c'est une nouvelle séparation. Hein ? C'est une nouvelle séparation, c'est-à-dire bien à l'abri de ce labyrinthe dont il était question, qui est difficile peut-être aussi à comprendre et à manier, mais c'est comme dans les symptômes, c'est difficile, mais on y est bien au chaud quand même. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on a, on résiste à en sortir. Et pourquoi ? Parce qu'il s'agit à ce moment-là de passer à ce qu'on appelle la vie active, ou entre guillemets la vie adulte. C'est-à-dire, c'est une réactivation très importante de ce qu'on appelle l'angoisse de castration. Autrement dit, c'est quoi ça, l'angoisse de castration ? Tout le monde connaît ça, c'est quand on s'expose à se faire mal, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, on s'expose à quoi dans la vie adulte et la vie active, de trouver du boulot ou pas, ou se présenter à des entretiens d'embauche, ou être responsable simplement de sa vie quotidienne. On connaît bien ces difficultés-là actuellement. Et donc, la sortie de l'université est le moment d'une deuxième séparation, hein, qui est souvent aussi difficile que la première. Oui, je voulais répondre juste à Monsieur Patrice pour dire que je voudrais pas qu'il me fasse passer pour la naïve de service. J'ai jamais dit que tout était facile ou qu'on allait mettre des coussins et que ça allait aller mieux à l'université. C'est surtout pas ça que je voulais dire. Je voulais dire qu'on avait des manœuvres limitées. On n'a pas de toute puissance par rapport au mal-être des étudiants et on fait un peu en sorte que ça aille mieux, mais justement, on n'empêche pas les suicides et on n'empêche pas les problèmes économiques et familiaux. Donc voilà, juste pour dire ça. Mais c'était pas de la naïveté de ma part, c'était plutôt pour dire que on mélange pas, on n'est pas des psychologues. Merci. Oui. Oui, sur cette question du mélange entre clinique et politique, il y a effectivement un point de tension entre les deux, peut-être qui se donne plus particulièrement dans les interfaces entre nos consultations et le reste de l'institution. Tout à l'heure, Madame Le Mardelet parlait des préoccupations des enseignants pour les étudiants en mal-être ou en détresse psychique, et elle rappelait tout de suite comme un espèce de garde-fou que justement ils ne devaient pas être les garde-fous et à un moment donné tout confondre. Et ce point-là me semble essentiel, hein, c'est-à-dire qu'il y a en fin de compte aussi cette grande contradiction qui est qu'à partir du moment où on met le projecteur sur une problématique qui est du côté de la défaillance humaine, qui est du côté de l'anormalité, il y a toujours ce risque, j'allais dire, d'engendrer le pire dans la manière de prendre en charge, de récupérer la question de la souffrance. Et je crois que ça nous amène bien sûr à penser cette tension entre clinique et politique, mais à aussi, j'allais dire, accepter qu'il y ait une délimitation ferme entre les deux. Hein, sans quoi, en voulant être pompier, on finit pyromane, et il y a comme ça des glissements, et je crois qu'on est tous ici des gens bien, il y a une pluridisciplinarité, il ne faudrait pas que cet engouement génère à un moment donné une confusion. Hein. Ça renvoie aussi à deux butées, hein, qui nous ont guidés un petit peu dans la construction de ce colloque. Une première butée qui est à un niveau individuel, qui est donc la question du mal-être, et je crois que Michaël Vautier l'a brillamment analysé en parlant de cet enjeu, de la capacité à être seul, à se débrouiller. D'emblée, on n'est pas du côté de l'autonomisation. L'autonomisation suppose à un moment donné un fonctionnement d'ordinateur qui sera jamais là du côté de l'humain, puisque d'entrée de jeu, il y a la relation. Et peut-être, hein, par rapport à ce que disait Michaël tout à l'heure, on peut à un moment donné poser le fait qu'il n'y ait pas de névrose idéale réussie et qu'il y a toujours une défaillance quelque part du côté de l'individu. Et de l'autre côté, une seconde butée, hein, qu'on a interrogée aussi dans la construction de ce colloque, c'est la question du malaise dans la culture. Hein, on ne l'a jamais mis dans les intitulés clairement en lien, mais c'est bien ça qui nous intéresse, c'est que l'institution aussi est défaillante et il y a des limites inhérentes à toute structure institutionnelle. Allez-y. Bonjour, Frédéric Tournier. Donc, je suis délégué à la vie étudiante pour l'Université Paris Diderot et enseignant-chercheur. Je voulais réagir par rapport à la présentation de Marie-Christine Le Mardelet quand elle dit que c'est pas le rôle des enseignants-chercheurs de détecter et de faire quelque chose vers un étudiant. Probablement pas, parce qu'on n'en a pas les moyens. Par contre, je crois beaucoup à la triangulaire possible de l'amélioration des choses entre les enseignants-chercheurs, les étudiants et les services de médecine préventive. Je crois que c'est aussi un peu notre rôle de repérer, de suggérer, d'envoyer tel ou tel étudiant quand même vers la médecine préventive. Ça c'est arrivé déjà. Après ça, quand vous dites aussi que les étudiants n'ont pas suffisamment confiance dans les enseignants-chercheurs, c'est probablement vrai, et c'est vrai aussi par rapport au changement de paradigme entre le professeur et les étudiants, et le fait que c'est urgent de trouver des méthodes, quand on parle d'innovation pédagogique, vers les étudiants. C'est plus la peine probablement de faire des très longs cours magistraux, là où ils vont chercher l'information ailleurs et une information correcte. Par contre, il y a des choses à faire effectivement au niveau des groupes. Et quand on parle de confiance aussi vers les enseignants-chercheurs, je pense qu'il y a un problème de confiance en soi pour les étudiants. Ils n'ont pas confiance en eux. Et peut-être que notre rôle aussi des enseignants-chercheurs, c'est d'une façon ou d'une autre de leur redonner plus confiance ou de leur donner plus confiance. Et finalement, je finis par une question pour Michaël Vautier par rapport à votre présentation. Dans ce que vous décrivez, est-ce que vous faites une différence entre les garçons-filles, hommes-femmes, ce ne sont pas encore des vrais adultes, et si oui, lesquels ? Merci beaucoup. Oui. Non, j'ai pas de. Je fais pas de différence homme-femme dans ma présentation. Par contre, à la Réunion, c'est là où ça devient intéressant, c'est quand on interroge le contexte culturel, le contexte local. Cette épreuve de séparation, ces remaniements psychiques viennent prendre des teintes particulières compte tenu du milieu familial. Pour prendre une image, parce que je vais pas développer là-dessus, mais pour prendre une image, si vous voulez, moi quand je décris la famille à La Réunion, je prends l'image de la mangrove. C'est-à-dire que dans la mangrove, vous avez des plantes, vous avez des jolies plantes, quand vous regardez ça et que la marée n'est pas tout à fait basse encore, mais qu'il y a de l'eau, vous dites tiens c'est joli. La famille ça serait ça. Et puis quand vous commencez à regarder à ce qu'il y a en dessous, vous avez des racines qui sont entrelacées de manière très très forte, on sait pas trop qui est qui là-dedans. Et donc il y a une espèce de mélange des gens et de mélange avec une difficulté, avec des problématiques familiales qui sont particulières, propres aussi à la culture, à la religion qui est très très forte. Et donc là, il y a des différences de genre qui apparaissent liées à la culture. Mais voilà, on pourra en discuter après si vous voulez. Et c'est la réponse que je vais vous apporter. J'en profite, je voulais faire juste une précision, réagir à ce que disait Luc Vétois sur la question de la promotion de la santé. Je trouve que c'est un terme auquel je suis attaché. D'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'on met dans être en bonne santé. Alors, on a des définitions. Et je pense que l'aspect de promouvoir la santé, c'est quelque chose qui effectivement se fait à plusieurs. Quand tu disais, on est des ressources pour une réflexion à plusieurs, les psychologues, je pense que c'est là où on a notre place, hein, avec les différents professionnels. Et pour, d'un point de vue politique, j'entends bien les questions sur la politique de santé, comment c'est pris en charge. Moi, je me dis qu'il y a les décrets de 2008 là, qui sont quand même une avancée intéressante. Et puis, il y a le travail au quotidien dans nos universités. J'entends par là que moi, le fait de pouvoir assister aux commissions de direction, aux différentes instances, ça me permet d'être présent en tant que service, comme un rappel de dire on est là. Et la santé des étudiants est aussi un indicateur de la santé de l'université. Et je vais même plus loin, la santé du personnel de l'université est aussi un bon indicateur de la santé de l'université. C'est-à-dire que dans la promotion de la santé, moi, mon objectif, c'est aussi de promouvoir la bonne santé du personnel, parce que je me dis que si le personnel est en bonne santé, il sera plus à même aussi de pouvoir offrir un accueil, une disponibilité aux étudiants. Donc j'essaie de faire un maillage, c'est pour ça qu'on a ouvert des consultations pour le personnel, où on fait des journées d'action pour le personnel et les étudiants, où on essaie ensemble de créer vraiment une communauté universitaire. Et ça me semble important, parce que quand moi je suis arrivé au service les premières années, j'étais arrivé avec la fleur à la bouche en me disant mon rôle de psychologue, c'est d'aider les étudiants à réussir leurs études universitaires. C'est-à-dire, je me disais, vu les taux d'échec en première année, je vais être là pour les aider à réussir. Et puis bon, j'ai vite déchanté, je me suis vite épuisé et je me suis dit, qu'est-ce qui va faire que je peux les aider à réussir leur année de vie universitaire, c'est-à-dire c'est pas la réussite aux examens, mais le fait que cette première année ou cette deuxième année devienne un temps de construction personnelle. Voilà. Et du coup, j'ai essayé d'inclure aussi le personnel de l'université là-dedans. Voilà. Oui. Je viens de l'université de Saint-Étienne. Je suis psychologue depuis cette année, et en fait j'ai une question par rapport au statut en fait des médecines préventives, qui sont pas du tout les mêmes selon les universités. Et par exemple où je suis, c'est vrai que c'est toujours difficile du côté soins, c'est-à-dire que il y a des visites médicales, il y a des médecins, il y a une assistante sociale, mais ça reste, parce que c'est une petite université qui a pas forcément les moyens, et quand on parle du soin dans la longueur, ça pose des problèmes, c'est pas évident. Et du coup, ça fait depuis que la psychologue d'avant moi est là, que vraiment il y a un suivi où on peut dire que on accueille, on écoute et on ne redirige pas les étudiants, parce qu'on s'est rendu compte que effectivement il y avait une demande directement, et en redirigeant ça marchait pas du tout. Et du coup, j'aimerais savoir au niveau des autres médecine préventive universitaire, notamment celle où il y a le soin qui est vraiment mis dedans, ce que ça donne comme cadre, si c'est vraiment un cadre différent, s'il y a vraiment plus un travail d'équipe au niveau vraiment du soin. Peut-être que que Jean peut oui. Moi, je vais vous dire simplement que ce n'est pas spécifique aux universités. À partir du moment où il y a des lieux de consultation publique et qui sont offerts à une population adolescente, adulte, etc., il y a une demande qui se crée. Et tous ces centres, y compris ceux qui se sont dit « on va faire de l'orientation », n'y arrivent pas. Ça ne marche jamais. Sauf, effectivement, à ne pas les écouter. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est quand même de les écouter, de les entendre. Mais vraiment, ça ne marche jamais. On m'en a encore parlé récemment dans un centre pour adolescents qui était censé orienter. Non, on ne peut pas. Comme ça. Ici, il y a une demande de parole. Ah, encore une autre. Je prends. Oui, Claude Terrali, SUMS Montpellier. Vous avez parlé les uns les autres de la difficulté à l'entrée dans les études, de la difficulté à en sortir. On est en train d'aborder implicitement à travers les questions qui se font aujourd'hui dans la salle, la santé des personnels, et je pense que l'université doit faire une promotion de la santé globale. Il y a une situation particulière qui semble se porter problème de plus en plus fréquemment avec le développement des masters et l'inclusion dans les équipes de recherche. C'est l'arrivée d'un étudiant, j'allais dire frais et moulu. Moulu peut-être, frais pas forcément, mais c'est l'arrivée d'un étudiant dans une équipe de recherche où il va être confronté assez brutalement à la vie d'une équipe de recherche, avec ses tensions, avec ses difficultés, avec ses clans, ses luttes interpersonnelles, et nous commençons à voir un certain nombre de cas, qui ne sont pas minoritaires, un certain nombre de cas de difficultés. D'où ce plaidoyer pour qu'il y ait une véritable promotion de la santé au sein de l'université, avec la question connexe, si les instances, conseil d'administration, civil ou autre, s'emparent de cette question, comment sensibiliser les enseignants ? Ou les chercheurs, bien sûr. Je dis un mot, je vous réponds, en même temps je réponds à mon collègue Tourny de Paris Diderot. Effectivement, c'est ça le problème. Parce que, en fait, moi, ce que j'ai dit, évidemment, c'était dit trop brièvement, mais ce que je redouterais, c'est un peu ce que disait Luc Vétois, c'est-à-dire la surveillance. Le prof qui, d'un coup, détecte un symptôme alors qu'il n'y connaît rien du tout, et ça peut faire des ravages, donc je préfère rien que ça. Mais effectivement, la solution, c'est un dialogue informé, qu'il existe des psychologues, mais je ne sais pas comment ça se transmet, ça. Et donc, effectivement, c'est la vraie question, c'est comment sensibiliser. On ne va pas faire un cours aux profs en leur disant la santé mentale, ça commence comme ça. Enfin, la santé, je ne sais pas, c'est un vrai problème, ça. Alors, qui c'est qui ? Oui, bonjour. Je suis Laurent Pourreau, je représente la LMDE, la Mutuelle des étudiants. C'est un sujet qui nous passionne, bien évidemment. On pourrait en parler des heures, mais je vais essayer d'être très, très court. Rebondir sur ce que disait Madame Lemardelet, parce que c'est vrai que dans nos différentes enquêtes, depuis plusieurs années, on fait un certain nombre d'enquêtes qui ont été en partie citées. Ce que disait Madame Lemardelet, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on voit dans les enquêtes que le mal-être chez les étudiants, il n'est pas diffus sur 100% des étudiants, bien évidemment. Il est sur une certaine catégorie d'étudiants qu'on peut quand même définir, même si après il y a des spécificités par rapport à d'autres types d'étudiants. Il y a déjà la question de la filière. C'est vrai qu'on voit que selon les filières, le mal-être n'est pas tout à fait le même. C'est vrai que les étudiants en santé, notamment en médecine, dans les enquêtes, on voit, ou les étudiants en prépa, qu'il y a un mal-être un peu plus fort. On voit aussi que les étudiants, et c'est ce que dit Mme Lemardelet, mais c'est pour le dire avec des chiffres, les étudiants qui sont salariés vivent beaucoup plus difficilement effectivement leur période d'études et ont effectivement un mal-être plus particulier etc. Ceux, effectivement, ça a été dit, ceux qui font moins de sport aussi, et la question de la gestion du temps elle est fondamentale. Donc tout ça pour dire effectivement qu'il y a des spécificités étudiantes et que les solutions, parce que tout à l'heure on parlait de prise de position politique, etc. Nous, en tant que mutuelle, on se permet de le faire, hein, on peut le faire, effectivement, nos élus étudiants s'en privent pas. C'est que les solutions, elles sont déjà globales, c'est-à-dire que l'accès à l'autonomie par rapport à limiter le salariat des étudiants, par rapport à l'accès au logement, par rapport à l'insertion professionnelle, elles sont bien évidemment fondamentales. On essaie aussi, parce que souvent on nous oppose en nous disant qu'il n'y a pas de spécificité étudiante sur le mal-être. Nous, on pense que malgré tout, il y a une spécificité, c'est-à-dire qu'on voit dans les enquêtes que physiquement, les étudiants vont mieux que le reste de la population. même sur les jeunes de 20 à 30 ans, il faut le dire. Par contre, c'est vrai que la proportion d'étudiants en mal-être est plus forte chez les étudiants. C'est-à-dire que autant les étudiants en dépression, entre guillemets, la proportion n'est pas plus forte que dans le reste de la population globale. Par contre, les étudiants qui ont un sentiment de mal-être un peu généralisé sur toute l'année, ou qui ont un sentiment de dépressivité, entre guillemets, là, par contre, la proportion est plus forte. Et donc, c'est vrai qu'il y a des solutions spécifiques aux étudiants globales, mais aussi plus particulières. Et là aussi, sur les prises de position, lorsqu'on voit que vous êtes, enfin la plupart d'entre vous, donc un psychologue, enfin un équivalent temps plein pour à peu près 40 à 45 000 étudiants, la proportion, effectivement, elle est relativement faible. C'est-à-dire que nous, on souhaite et on essaie de se battre pour qu'effectivement vous soyez plus nombreux dans le milieu étudiant. Et il y a aussi la question des BAPU. C'est-à-dire que les étudiants connaissent assez peu les BAPU, parce que malheureusement, il n'en existe pas beaucoup. Et c'est vrai que pour le moment, ça n'a pas été trop abordé, mais ça serait peut-être intéressant aussi qu'au cours de ces 24 heures, cette question-là soit abordée. Parce que, un dernier élément, dans nos prestations mutualistes, hein, puisque bon, on couvre les étudiants aussi, pour nos adhérents, on a intégré il y a quelques années tout ce qui est psychologie, c'est-à-dire qu'on rembourse une partie des consultations psychologiques. Et on s'aperçoit malheureusement que c'est une prestation qui est très peu utilisée par les étudiants. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on dit sur le mal-être, l'étudiant, effectivement, s'aperçoit, nous, dans nos prestations, l'étudiant ne va pas à l'extérieur de l'université pour consulter un psychologue. Et donc, alors même si on peut essayer d'inciter à consulter à l'extérieur, pour le moment, ça a l'air de... cette donnée-là montre que c'est un peu compliqué. Et donc, c'est vrai que la prise en charge psychologique de l'étudiant au sein de l'université, ça reste quand même pour nous encore une des meilleures solutions pour pouvoir essayer de répondre en partie effectivement à ces questions de mal-être. Quand même rappeler une chose, si vous permettez, il n'y a pas de psychopathologie spécifique de l'étudiant. Il se trouve que on fait ces études en général à un âge où on est particulièrement fragile pour des raisons qui ont été très bien exposées, et il se trouve de surcroît que les conditions dans lesquelles les étudiants évoluent à l'université, de compétition, d'isolement, d'anonymat, ceci a été très bien dit, potentialise, amplifie des problématiques personnelles. Mais il faut arrêter maintenant avec, l'université pathogène. Hein. Il y a des gens qui souffrent au travail, il y a des gens qui se suicident au travail, mais ça ne veut pas dire que le travail nuit nécessairement à la santé. Hein. Je veux dire, il ne faut pas tout mélanger les problèmes. Oui. Dans le même sens, moi je voudrais vous répondre, monsieur, que je crois qu'il faut distinguer deux choses, c'est l'étudiant lui-même et ce qui serait l'expression étudiante d'un malaise. J'ai l'impression que c'est de cela que vous parlez. Voilà, je crois que nous, dans notre clinique, ce que nous rencontrons, ce sont des sujets qui ont leur histoire et qui, avec leur nom, essayent de dire quelque chose, de bredouiller quelque chose, de se débrouiller avec cette histoire dont ils ont hérité. Il se trouve qu'à un moment de cette histoire, ils sont étudiants. C'est un épisode de leur histoire. Ce dont nous témoignons, c'est comment à l'université, quelque chose peut être dit de cela, par l'étudiant, et peut être éventuellement, ça nous paraît souhaitable, entendu par nous. Mais il n'y a pas, j'insiste sur ce point, nous n'avons pas affaire à une psychopathologie de l'étudiant qu'on pourrait constituer comme ça, sur laquelle on pourrait écrire. On va repérer comme ça des peut-être des comportements en effet, mais certainement pas des symptômes. Oui, alors moi je voulais confirmer ça. C'est vrai que on est dans une période difficile en tant qu'étudiant, mais c'est pas pour autant qu'effectivement la vie d'étudiant peut être considérée comme à cause de pathologie. Après, Voilà, pour ce que disait le représentant de la LMDE, c'est vrai que voilà, il y a des filières qui sont plus à même de potentialiser un mal-être, on va dire, donc que ce soit les concours, le nombre d'étudiants qui confortent l'anonymat. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur l'importance des professeurs. Ça a déjà été dit, mais nuancer, effectivement, les enseignants ne doivent pas se considérer comme des garde-fous, mais doivent être présents. Parce qu'il y a eu, voilà, par exemple, de mon point de vue, il y a eu une réforme cette année sur la première année de médecine qui est devenue première année commune aux études de santé. Et voilà, problématique de l'UM1 qui porte l'UFR de médecine, où les professeurs sont maintenant absents. On n'a plus de contact, les étudiants n'ont plus de contact avec les professeurs, ça se passe par vidéo, et on est quand même 2000, enfin, moi je suis en deuxième année, mais les premières années sont 2000 étudiants. Voilà, donc c'est... Je pense que là, c'est vraiment, vraiment un problème, et c'est là où la politique rentre en jeu aussi, qu'on peut pas nier, parce que je pense que le cadre est cause de mal-être pour l'étudiant, et c'est pour ça que je pense que c'est pas négligé non plus, parce que effectivement, il y a la demande étudiante qui a été valorisée par l'exposé de Vétois, mais je vois que nous, on a déjà des élus étudiants qui peuvent faire remonter, qui siègent à l'UFR ou au CROUS, qui peuvent faire remonter ces demandes-là. On a aussi donc la médecine préventive, et que je pense que voilà, que son directeur, par exemple, de l'UM1 peut faire remonter des demandes, que ce soit du personnel ou des étudiants. Et donc effectivement, je pense qu'il faut quand même porter un regard assez important sur la politique étudiante, parce qu'après ça peut créer voilà des cadres comme la première année commune aux études de santé avec des écrans et une absence d'humanité. Voilà. Je suis pas bien. Si, ça y est. Oui, d'accord. Rapidement, pour vous, Madame Le Mardelet, sur Grenoble, nous avons mis en place depuis de nombreuses années une formation en direction des enseignants et des secrétariats de scolarité, etc., sur le mal-être étudiant. À travers leur propre expérience qu'ils ont quand ils rencontrent des étudiants qui vont mal, de les aider à repérer et à trouver les réseaux, etc. Voilà. Ça a été institutionnalisé, nous, au niveau des enseignants, pas des enseignants, des tuteurs, des thésards, tuteurs qui font de l'enseignement maintenant aussi depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'on a un cycle de formation, on forme à peu près une cinquantaine d'étudiants de thésards au mal-être étudiant. Donc ça leur permet aussi de repérer des étudiants qui ne vont pas bien, un peu comment les aborder et les réseaux. Voilà. Alors, en ce qui concerne Saint-Étienne, parce que nous sommes assez proches, je crois que, si vous voulez, ça dépend de la politique et de la volonté, un, des présidents des universités, deux, des directeurs des services de médecine préventive, d'en donner plus de temps. Bon, nous, sur Grenoble, on est centre de santé, donc ça change un peu la donne, mais c'est aussi une volonté qui a été à l'origine de se transformer comme ça. Hein. Voilà. Bonjour, je suis Dominique Rouget, médecin au CIMS de Toulouse, le Mirail. Voilà, je voulais répondre notamment à ce monsieur enseignant-chercheur pour lui dire que chez nous, il n'existe pas de cloisonnement entre l'université et le CIMS, puisque lorsque des étudiants sont vraiment en mal-être, il nous est souvent arrivé de voir des professeurs qui viennent nous voir et qui éventuellement nous parlent de l'étudiant ou nous amènent même directement dans le service des étudiants. Donc, sur ce point, on peut dire qu'il y a quand même une possibilité de communication. D'autre part, par rapport à la psychologue de Saint-Étienne, nous avons, nous, au niveau de notre service interuniversitaire, service médico-psychologique avec psychologue, psychiatre qui assure des suivis. Et les médecins généralistes peuvent même entre-temps, si deux consultations peuvent être suffisamment longues, enfin entre deux consultations un temps suffisamment long, nous pouvons prendre en charge les étudiants pour leur suivi de façon à pouvoir les amener à la consultation soit auprès du psychologue ou du psychiatre en cas de nécessité. Voilà. Oui, je voulais faire trois remarques. La première, c'était concernant l'intervention de Claude Terral sur la question des équipes de recherche. Quand on parle de malaise dans la culture, peut-être on peut voir du côté de la recherche, j'allais dire, une enflure de la recherche appliquée au détriment de la recherche fondamentale, hein, qui a pour principe de pas savoir par avance ce qu'on va chercher. Et ça, je pense que ça génère peut-être, hein, c'est peut-être Madame Le Mardelet pourra en dire quelque chose, du côté des équipes de recherche, quelque chose d'un malaise. Hein, et là, il faudrait rentrer sur toutes les considérations concernant la bibliométrie, les nouvelles normalisations dans le recrutement des enseignants, etc. Voilà, c'est un autre débat. Une autre remarque qui concerne la normalisation et la protocolisation des dispositifs de soins pour la collègue de Saint-Étienne. Effectivement, ça devient de plus en plus malaisé de travailler dans des services où, j'allais dire, la fermeture est orchestrée et à un moment donné décrétée. Hein. Et je crois que quand on a la chance de pouvoir travailler avec un chef de service, avec une intelligence institutionnelle qui nous permet d'avoir un jeu d'interface comme ça, au sens peut-être du SAS dont parlait Michaël Vautier, j'allais dire, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et puis la dernière remarque, c'était pour le représentant de la LMDE. Alors c'est pas du tout pour nier la grande richesse de votre enquête, mais simplement en recevant les interventions et les communications prévues pour les ateliers de demain, quelque chose donc qui vous a échappé parce que demain vous devrez choisir d'être dans un lieu ou dans un autre, quelque chose de très cocasse, une intervention qui parlait du mal-être lié aux filières sciences humaines. Voilà, en essayant d'interpréter sur le fait que finalement les sciences humaines, le côté philosophe un peu ésotérique, voire psychologisant, peut amener des décompensations psychiatriques, etc. Et en miroir, une autre intervention qui n'est donc pas située dans le même atelier, qui parle, j'allais dire, de la prédominance des décompensations psychotiques dans les études de médecine médicale où c'est le culte de l'exactitude, etc. Donc ça nous montre bien que cette culture du dépistage, elle dépend de quel point de vue à un moment donné on se place. Et je ne vous dirai pas qui était le psychologue et qui était le médecin qui avait écrit l'une ou l'autre des deux interventions. Bien, nous arrivons au terme de cette table ronde. Je rappelle que le titre en était « Le mal-être chez les étudiants ». La richesse des interventions à la table et dans la salle prouve que ce mal-être existe et qu'il mérite d'être écouté. Je vous remercie. Merci.